La big antenne. Hey yo yo yo yo yo yo yo yo yo bande de baltringues, vous êtes sur le 107.0, vous êtes sur la big antenne www.radiogameuse.eu, bande de petits fragiles, et on est là pour mettre un maximum de zbeul ce soir. C'est bonne franquette, il fait beau, il fait chaud, les oiseaux chantent, les canettes s'ouvrent au soleil, et ce soir on va profiter tous ensemble une seconde émission de la big antenne. On va parler sérieusement, on va parler de rap, on va parler de gros sons calumniateurs terre, on est là dans nos montagnes et on a un beau panel d'invités ce soir encore, messieurs, dames, sur le 107.0. Avec à ma gauche, on a a.k.a. Johan qui est là, ici présent avec nous. Bonjour Johan. Bonsoir. Bonsoir Johan. Donc Johan, notre invité aujourd'hui du jour, qui va nous présenter un peu son association et qui va faire un peu chauffer le ghettomètre en notre compagnie. On a aussi notre ami Lily qui nous a rejoint ce soir. Lily, c'est pas souvent, hélas, malheureusement, qu'on a des filles pour parler de rap, et ça fait chaud au cœur. En tout cas, Lily, j'espère que tu vas mettre le bordel aussi. Comment vas-tu? Ça va, très bien. Eh ben, formidable, formidable. On a à ma droite une belle équipe de bras cassés, encore bien occupés ce soir. J'ai nommé notre ami Louis et qui est Drex ici. Bonsoir, présent. Bonsoir. Prêt encore à en découdre ce soir, j'espère, mon petit Drex. Comme d'habitude. Ouais, on va faire des gros bisous, c'est plein d'amour ce soir. Un autre qui est bien affairé encore, c'est le Vaux qui est encore ici présent à l'atelier bricolage. Toujours présent. Voilà. Et plein d'autres invités. On attend notre ami Coveron, notre ami graffeur Coveron, qui va arriver en principe en retard, ouais, effectivement, qui va arriver en retard, mais bon, ça, à la rigueur, on a l'habitude. Donc ça va bien se passer. On vous a préparé une petite émission des plus sympathiques. On a quelques copains ici présents aussi dans le public. On va essayer de faire chauffer le ghettomètre tranquillement. T'as pas présenté la fine gâchette, mec? Et la fine gâchette, il a dit qu'il voulait rien dire. Attention. Alors ah, ça y est. Non mais tu vois, j'attendais de voir si finalement il allait dire. Et on a bien sûr John, la fine gâchette. Bonsoir. T'es bien ou quoi, mon frère? Bonsoir à tous. Tranquille? Ça va ou quoi? Ah voilà, ça fait du bien de te revoir aussi un peu derrière les ondes, aussi ouais, derrière ça le faisait micro. Longtemps. Hein, ouais. T'as vu, t'as reconnu, ça n'a pas trop changé. Non, hein. Ça n'a pas trop changé. Ça n'a pas trop changé. On a dans l'ombre notre ami Michael Cull en direct de Saint-Am. Il est dans l'ombre, c'est un peu le Sage Knight du coin qui est notre compagnie. Et à ma droite, notre chère Lia qui va assurer encore pour quelques temps la régie technique de l'émission. Pour vous servir, mesdames et messieurs. Alors, ma foi, donc, on est ici pour parler un peu de son, on est ici pour passer un bon moment, on est ici pour essayer de, à peu près, parler sérieusement, mais on est donc là pour parler de rap. Alors, Johan. Ouais. Johan, donc c'est cool que tu sois venu. Donc t'es le président, toi, de la sauce 88 Records. Mmh. Je le prononce correctement? Exactement. Ça se dit à l'américaine, de toute façon. Ouais, ouais, c'est. On est d'accord, c'est à l'américaine. Donc Johan, tu peux nous présenter vite fait en quelques mots qu'est-ce que c'est que ce 88 Records? C'est une assoce qui regroupe des artistes auxquels je crois un peu, beaucoup même. Remonte c'est le bon micro là peut-être. C'est bon, c'est bon. Juste comme ça. Ouais, dans l'idée. Enfin, c'est du direct, hein, messieurs dames. Ouais. C'est du direct, hein, c'est sans filet. Hein. Hop, on va faire à l'ancienne. Ouais, c'est une assoce en fait que j'ai campé pour présenter des artistes auxquels je crois. Et donc voilà, bah, pour avancer ensemble, pour les faire avancer, pour les faire grimper comme je peux. Donc voilà quoi. Alors plutôt orienté vers quel prisme musical, on va dire? Alors plus dans la culture urbaine, rap, hip-hop, pop, trap, slam, un peu tout ce qui est style culture urbaine quoi. Tout ce qui est culture urbaine, voilà. Effectivement. Alors, ouais. Et tu m'avais avoué que t'avais que toi à la base tu venais plus d'un autre milieu musical, tu venais plus quand même de tout ce qui est buglerie, metal. Ouais ouais, à la base j'étais chanteur de black metal. De black metal. Ouais, ouais. Ouais. Black metal. Alors pour ceux qui paire d'années, c'est ceux qui mettent le feu aux églises en se peignant le visage en noir. Ouais non mais. Ouais, ouais. Attends, il fait froid là. Ouais mais on est dans les Vosges, on n'est pas non plus en Norvège, tu vois ça. Oui oui, dans on les Vosges. Plus calme. Tu peux faire des chalets aussi, là, si besoin. On était plus calme, mais ouais. C'était la bonne époque, bon, c'était il y a 10-12 ans, ouais. Et donc ouais, j'étais chanteur de black metal, après j'ai un peu arrêté tout ça, c'était pour le fun quoi, avec des potes et tout. Et après je suis passé dans un autre univers où c'est que je suis passé dans la musique électro. Je suis devenu un peu DJ, tourné un peu dans des rave parties et tout ça. Donc, et après voilà, j'ai un peu quitté la scène pour pousser d'autres artistes dans un autre milieu qui me plaisait, donc qui est le rap et la culture urbaine. Aux influences assez éclectiques, on va dire. Ouais, ouais, carrément. Aux influences assez éclectiques. Ouais, dès qu'il y a des notes de musique, moi, ça me plaît. Donc, ah bah, tout simplement, tout simplement. On est là aussi pour, voilà, pour ça. Et ça s'appelait comment, ce petit groupe ? Peut-être que s'il y a des pionniers d'Internet qui vont aller exhumer quelques artefacts sur la toile. Il n'y a pas grand-chose. À l'époque, il n'y avait pas trop... YouTube, tout ça, c'était pas trop... Il n'y a pas de traces du tout de ton groupe de Black, non ? Pas allez, trop. Bah non, après, ouais, je fais, en fait, j'étais chanteur. C'est bonne franquette. Hein. Il y avait on avait le groupe Los Satani au début. Los Satani, bon, c'est. Et ça sonne très catéchisme, là. Ouais, aussi, voilà, ouais, c'était. Ouais, ouais, justement, c'était. Et après, bah, j'ai travaillé avec d'autres groupes, un peu The Scaffold, Soil Pain et tout ça, qui ont bien tourné un peu après. Et après, j'étais DJ sous le nom de Morticus, et après, je suis passé sous le pseudo de Yoni. Et non pas Yonea, comme beaucoup le disent. Yoni. Yoni. Voilà. Ouais. Yoni. Il y a un mec dans le Pera qui s'appelle Yoni aussi. Ouais, ouais, c'était l'ancien producteur de Néochrome. Ouais, ah, bah voilà, oui, dans Néochrome. Dans Néochrome. Ah, bah, et toi, tu fais vachement bien les transitions, effectivement. Exactement. J'ai vu que tu guettais, en arrivant, j'ai vu que tu guettais un scud là qu'on a, parce qu'on est là pour passer un peu de musique quand même. Et puis là, ça fait déjà 5 minutes qu'on a commencé, il serait peut-être l'heure de faire une pause. Et j'ai vu que tu guettais un petit scud, effectivement, de Seth Gecko. Ouais, ouais, parce que c'est mon poteau. Ça t'intriguait, ça, hein, ça. Bah écoute, on va se mettre. C'est le tout dernier, hein, c'est le tout dernier. Non. Non, c'est l'avant-dernier. Non, c'est pas. Si, c'est Barlou, c'est le tout dernier avec son délire là où il commence à se lancer un peu dans la culture tatouage aussi, notre ami Gex. Là, il a vendu tout un concept de Barlou. Il y a plein de mecs qui se font tatouer le tatouage Barlou. Il a un salon, hein, il me semble. Ouais, ouais, il a un salon de tatouage, Saint-Antoine. Il fait ça. Et bah écoute, c'est pas dégueu, le dernier Seth Gecko. On va se mettre ça tranquillement. C'est bonne franquette. C'est bonne franquette. Vas-y. Et bon, on va se mettre laquelle de. Hein, parce que c'est tranquillement. Hein. Lia, ça l'a fait rire, mais. hein. Marcus, il aurait pas rigolé comme ça, hein, de toute façon. Moi, je vais faire la grève de la fin pour que Marcus y revienne. Mais bon, Marcus a préféré suivre sa carrière de sportif avant tout. Et nous l'en sommes particulièrement reconnaissants. On va se mettre la piste 7. On va se mettre la piste 7. C'est Murray Davidson de notre ami Gecko sur la bonne Barlou qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. On va faire ça. Et on revient dans quelques instants, messieurs, dames. On reste connectés. Vous êtes sur la Big Antenne. En avant la musique DJ. Préféré prendre ma bite comme ma tête en photo. Le dos est dur, tellement dur qu'on dirait que je dors sur un futon. Des rixes affûtés, que des gars futés. Je marche en gang comme le ghetto fab. TMC sont tout ghettifois. Qu'est-ce que j'attends pour me faire tatouer en FIFA? Nique les porcs, je vais pas te le dire 110 fois. Qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, ouvre la bouche que j'envoie la polenta. Nique la conseillère de Pôle emploi. Nique l'état, je suis né à Pontoise comme Nicoletta. Ça fait zélélélélélex comme la grosse Bertha. Logo Medusa, logo Casal sur Noventa. C'est pas une cloison nasale que t'as, non, c'est un aspirateur au Venta. C'est la Lomerta, on parle le langage des signes. Devant les keufs, j'ai la même attitude que Charlie Chaplin. Ça fait zblair dans ta face comme un apis lapping. Dans ton string, c'est l'aquaplaning. Tes deux fesses, mon geek, ça pue dans le couloir. Si t'es un narvalo, alors attaque-moi pour voir. Si l'alcool c'est de l'eau, on verra si l'enfer c'est à quoi boulevard. Quand l'alcool c'est de l'eau, le lendemain la gueule c'est de bois. L'enfer c'est de feu. Ton talent c'est de foie. Avant de parler de ceux qui ont des auréoles sous les bras après avoir étranglé un ange. Chant d'un camp de mouchement, je peux te jurer qu'il est pas bon d'ébranler un tange. J't'écrase mes phalanges sur le visage. Nique les putes à franges à tissage. J'suis entouré d'étranges aminas qui veulent tout savoir sur mon taux d'étranges aminas. On attend les grands arrivages de GoFaster dans l'habitacle de la drogue. Au stepo, je suis muet comme une tombe, je marche les amygdales de la gorge. Me fais sucer par ta grand-mère comme ça, elle risque pas de la mort. Je sors comme un animal de ma grotte, c'est pas amical, c'est familial dans ma horde. Capitale de la mode, t'es plus victime que fashion. Drive-by en Harlem, cousin, appelle-moi Murray Davidson. Les keufs tournent en forte comme Harrison. Stan Smith et Wesson. Ouvre la porte, Jack Nicholson. Boule à Z comme Rodson. On se déplace en Harley pour les grosses sommes. Appelle-moi Murray Davidson. Murray Davidson. Appelle-moi Murray Davidson. Mmh. Et voilà les loulous, et voilà les gadgets, vous êtes toujours sur le 107.0. Et vous êtes en direct, comme vous pouvez l'entendre, au bout de votre poste de radio ou sur internet, c'est www.radiogamozo.eu. Donc on est toujours avec notre ami Johan de 88 Records, Lily aussi qui nous fait le plaisir de sa présence, et Cover One, Seb là, qui nous a rejoint, fallait peut-être pas dire le blaze, excuse-moi. Qui nous a rejoint. Alors c'est un peu freestyle ce soir, hein, de toute façon, on vous a prévenu, hein, c'est bonne franquette, tranquillement. Donc bonsoir à toi mon copain, comment on va? Bien et vous? Comment on va? Il vient juste de sortir du boulot, rendez-vous compte messieurs, on se plie en quatre pour vous mettre bien. Il vient de sortir du boulot et il a de l'or dans les mains ce gars-là, Et merci. Il est là pour le prouver ce soir, il est là pour le prouver. On reviendra peut-être plutôt vers toi par la suite. Mais en attendant, Seb, il me semble que t'es pas venu pour rien non plus, hein. La dernière fois qu'on s'est vu, t'as pas oublié ce que je t'ai dit, j'espère. Non, non, exactement. Toujours donc, l'actualité. Seb, il a accepté de relever le défi de ce soir. Petit fil rouge, on est là pour profiter tranquillement. Et effectivement, Seb, tu vas avoir en tout et pour tout 2 heures, 120 minutes. 120 minutes, ça fait combien en secondes, ça? Moins 12 minutes. Ça fait pas mal de points sur l'horloge qui tourne, effectivement. 120 minutes, 2 heures pour réaliser le plus beau graphe, le plus beau logo de l'émission, la Big Antenne. Sans faute d'orthographe, parce que bon, ça fait un peu... si on veut faire des demandes de subventions et autres, après, tu vois bien... Ah, grave avec ordres, des fautes d'orthographe. Ça fait des ordres, hein, ouais. On va dire, on flatte la langue française, donc... Non, donc t'as 2 heures, Seb, montre en main pour faire le plus beau graphe, et vous pouvez suivre en direct ce qui se passe, effectivement, dans l'émission. Vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux aussi, et n'hésitez pas à cliquer, bande d'escalopes, attention, tu peux faire des escalopes de tofu aussi, bien sûr. Hein. N'hésitez pas à cliquer, et oui, on n'a pas de problème avec les végétariens. Et donc, Seb, attention, donc, tu as ramené un peu tout ton matos, j'espère. Si tu te trompes, alors, c'est quoi un peu le matos pour pouvoir faire un beau graphe tout vite, Seb, avant qu'on te lance le temps de départ. Papier, 2-3 gros marqueurs, et puis... Alors, du talent, effectivement. Oui, encore que... Oh, tu sais, faut être pistonné, surtout là-dedans. Du rouge, du noir pour la MC Connex. Du rouge, du noir, on est d'accord. Un beau lettrage qui claque, à peu près. Tu commences au crayon de papier, toi, avant de... Non, je vais déjà attaquer directement. De toute façon... On cherche les lignes, d'abord. On cherche l'idée, De toute façon, t'as 2 heures, hein, de toute façon. Sinon, on n'achète pas. Donc... Donc, t'as 2 heures. Montre en main, Seb, pour nous prendre un bon logo pour l'émission. Donc c'est ton défi d'aujourd'hui et vous pouvez suivre en direct ce qui se passe. Attention, main sur le crayon, Seb, c'est parti. Le chronomètre est lancé. 2 heures, montre en main, c'est parti. Ouais, here we go again. On revient vers toi, Lily, parce qu'on t'a pas entendu depuis le début de l'émission. Ils sont un peu barbus et tout, mais t'inquiète pas, ils sont pas méchants. Hein. Oh, t'inquiète pas, méchants. Je pense que t'en côtoies des pires. En tout cas, ça fait plaisir, comme on te disait, d'avoir une fille. Et on t'a vu, on a eu l'occasion de te voir à l'œuvre sur scène. Il y a déjà, je me rappelle, à l'artiste à Golbey, où t'as bien mis le zbeul. Et puis récemment, quand t'es venu nous voir aussi. Quand t'es venu voir le concert qu'on avait fait aussi au Point Central, c'était bien cool de te voir aussi présente, et t'as bien foutu le zbeul aussi là-bas, donc en tout cas on apprécie, et c'est pour ça qu'on t'a fait venir ce soir, on va avoir l'occasion un peu de discuter tranquillement, hein, c'est la MIFA ici, t'inquiète pas, y a pas de soucis, t'inquiète pas. Donc, toi, Lily, t'es une artiste, tu te définirais comment? Une artiste hip-hop, une chanteuse, rappeuse Ouais, je fais du rap, je chante pas. Ouais, voilà, déjà, effectivement, comme ça, la messe est dite, comme on dit, entre guillemets. Tu fais du rap, tu chantes pas, alors. Donc, c'est quoi pour toi la nuance entre ces deux termes? Rapper, c'est pas chanter, quoi, enfin, c'est... Ça se tient. Une différence. Il y a une différence dans le ton de la voix, dans tout, en fait. Effectivement. Même dans l'écriture. Qui a peut-être gueulé dans un micro plus que de raison pendant les cérémonies black metal. Pour toi, rapper, c'est pas chanter, alors. Il y a une différence. C'est pas la même chose. Non, mais c'est des opinions. Et alors, ça fait combien de temps, toi, que ça t'a pris, le virus On va dire depuis que j'ai 13-14 ans, j'ai commencé dans ma chambre. Hein, mais... Oui. Mais voilà, après j'ai fait écouter à des potes et c'est parti comme ça. Comme tout le monde. Et donc voilà que tu t'y consacres. Donc on va avoir l'occasion d'écouter un peu ce que tu as fait là, effectivement. Moi je t'avoue que j'ai pas eu l'occasion d'écouter tes sons Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Je suis un peu branleur comme présentateur. Mais justement, c'est la, ça va, toi, tu bosses derrière avec ton marqueur, toi. Hein. Merde, vu le prix qu'on paye. Non, mais c'est ça aussi Internet, la spontanéité. Et la spontanéité de l'instant, et c'est vrai que tu nous avais surpris en live. Donc, je pense que tu vas nous surprendre encore plus en écoutant ce qu'on fait. Et d'ailleurs, c'est une question intéressante à soulever. Je vous la pose et vous pourrez y répondre par la suite. Est-ce que le fait de connaître personnellement un artiste vous offre un regard différent sur sa musique, et est-ce que ça ne va pas influencer le fait de connaître un artiste va pas influencer la façon dont on décrypte sa musique? Et voilà, bon, la réponse est effectivement oui, pour ceux qui arrivent en retard, les mauvais élèves. Mais en tout cas, Lily, on va commencer avec, on va mettre deux, trois morceaux de toi pour commencer. Tu nous avais proposé, il y en a qu'un, comment ça il y en a qu'un? Il y en a deux, Lia. Marcus, écoute, arrête le sport, Marcus, c'est un appel du cœur, Marcus, arrête le sport, reviens Marcus. On adore Lia, mais Marcus, tu... Écoute, vraiment, arrête, tu vas te crever à faire ce que tu fais, hein, mon gars. Alors, donc on va vous laisser avec un premier morceau qui s'appelle Lily, on s'en fout. On est d'accord, hein, on n'a pas honte de le dire. Lily, on s'en fout. Oui, c'est on ça. On s'en fout, on s'en secoue, on s'en branle. Ou autre. Et le second titre, ensuite, de Lily, qui est The ici End. Même. Qu'est-ce que tu voulais nous mettre, le second titre? The End. The End. Ah bah tout de suite, bah t'es bien prématuré et tout. Bah c'est bien, remarque, hein, moi comme ça. Allez, on se retrouve au bistrot d'ici 20 minutes alors. Donc on vous laisse, non, on arrête les conneries 2 minutes, on se concentre. On vous laisse donc avec du Lily dans les oreilles, on s'en fout, et The End. Et on revient tout de suite après, vous êtes sur le 107.0. En freestyle que je viens balancer mes propos. Écoute mon son, tu le trouveras pas dans les potins. À côté de moi ça roule des joints à m'apporter pour apporter mes faits et gestes. Ça c'est une aparté, c'est L-I-L-Y, yo. Je suis de l'ancienne époque, ouais je lui appartiens, je m'en bats les reins. Baigné dans mes songes et tous les jours galéré. Et du coup j'ai balayé devant ma porte, même ma pelle a cédé. Sous le poids tellement y'avait de merde sur mon palier. Les jeux de mots c'est pour moi une passion forcée, comme une bombe que tu ne pourras désamorcer. Car j'aime, je m'efforce à être honnête dans mes vérités. C'est mon domaine, j'écris mes textes avec sincérité. Je rappe ma vie même si j'ai pas grand chose à dire. Non je suis pas dans les bacs mais sortir tous ces trucs de ma tête. J'en fais mon affaire et malgré mes problèmes je ressors. Tu rappes dans tous les sens. Tu rappes dans tous les sens. On s'en fout. On s'en fout de ce que tu penses. On s'en fout de ce que tu penses. Bah ouais man, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Y'a pas de bluff sur les basses, mon cerveau est plaqué. C'est pas grave, je rappe en solitaire, je vais mettre le paquet. Je suis fatigué de me prendre la tête pour n'importe quoi. J'utilise mon micro comme un porte-voix. Je suis fatigué de m'occuper de tout ce qui m'entoure. Je continuerai à soutenir tous ceux qui m'endurent. Je suis fatigué d'entendre parler de politique. Le monde part en couille aujourd'hui, plus rien n'est prolifique. Je suis fatigué d'apercevoir tout autour de moi trop de misère et d'injustice. Mais c'est à cause des lois. Je suis fatigué de me justifier devant les potes. Ça y est, je trace ma route solitaire. Ça demande pardon, c'est la fatigue qui me pousse à m'égoutir. Tu veux connaître ma vie, écoute mes textes et mes dossiers. Tu rappes dans tous les sens. Tu rappes dans tous les sens. On s'en fout. On s'en fout de ce que tu penses. On s'en fout de ce que tu penses. Bah ouais man, on s'en fout. On s'en fout. Thank you. souvent déçu par la vie, donc je préfère ma solitude. Il faut dire que jusqu'ici c'était ma seule issue. À chaque fois je me repentis, je corrige mes fautes et mes défauts. Je repense à tous ces mots auxquels j'ai cru qu'ils étaient juste au final. Tout était faux, je te dévoilais mon affection. Mes émotions toujours à ta disposition. Je prenais chacune de tes phrases en considération. Aujourd'hui je suis perdu face à mes peines et perceptions. La vie ne m'a pas fait de cadeau, de quoi tant que je me jette à l'eau. Je te demande pas ta bénédiction, je fais pas de représentation. Tu peux me donner ton impression, je veux pas ta compréhension. Aujourd'hui, je veux plus de tes mensonges. Tes belles paroles m'ont mis l'alarme à l'œil. Au final, c'était qu'un leurre, toutes ces phrases préfabriquées. Une double vie dissimulée, tu pensais pouvoir me mener en me racontant des trucs pétés. Alors que moi, je t'ai toujours respecté, considéré et tout donné. T'as mis du temps à me dévoiler la vérité à ce sujet. Pendant que j'étais persuadé que sur tes mots je pouvais me baser, toi tu jouais dans l'infidélité. Et sans parjure, en toute légèreté, tu m'as soutenu que c'était pas vrai. Comme une conne, moi j'y croyais jusqu'au jour où elle m'a appelé. On a parlé, tes messages, je me les a envoyés. C'est là que ta version a changé. T'as enfin avoué qu'avec elle t'as couché. Le meneur s'est fait mener, la vérité t'a rattrapé. Celui qui a bon cœur n'a pas de chance. Cette citation est vraie, je me retrouve encore en larmes dans ma chambre. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Si je comprends bien, c'est donc à mon tour de te faire autant de mal. Et comme dirait Islem, ne viens pas pleurer, me dire que tu me regrette, les mensonges c'est fini. Je reprends enfin ma vie, c'est moi qui ai eu le déclic. Cherche pas, je sors de ma vie et je me fous de ton avis. Tous tes messages tard la nuit, je sais même pas à quoi ça rime. Je t'ai pris sur le fait accompli et t'oses me dire que tu veux me voir revenir, que je suis la femme de ta vie. Mais laisse-moi rire, je vais te dire ce qui te définit. C'est le mot mytho, Mani, tu seras plus le prince de mes nuits. Là je te le dis, c'est bel et bien fini. Efface les lits de ton esprit. L'amour passe, mais la douleur demeure. Et pour soigner le mal, je mets le son dans le boomer. J'ai toutes ces idées salaces parce que mon cœur se meurt. Je fais face à mes angoisses pour enfin voir le bonheur. On dit que dans la vie, il faut savoir ce que l'on veut. Je ne veux plus de menteurs, de bouquets de fleurs, ni de rancœur. Moi, ce que je veux, c'est la fidélité, ne plus être trompé. Qu'on me dise la vérité, quitte à me blesser. Je veux plus de pleurs, sauf si celles-ci sont de joie. Qu'on prenne pas pour une fille de joie. Cupid, on n'a pas visé droit. Il a manqué ses flèches à chaque fois. On s'est joué de moi, j'ai fini dans la tristesse. Tous ces je t'aime et ces baisers de tendresse suivis de disputes infinies et ruptures indéfinies. J'ai tellement de choses à dire, mais d'abord bonne Saint-Valentin. C'est vrai qu'avec toi au début l'avenir était incertain. Trop de promesses, manque de sincérité. J'en suis devenu insomniaque, paranoïaque, c'est démoniaque. Je vois le mal partout, ouais, je m'en rends malade. Je rêve pas de fiançailles ni de mariages idéaux. Tu peux dire que je suis sentimental, mais à un moment faut que je fasse un choix. Rompre ou vivre dans l'ombre de tes mensonges. Je veux pas souffrir à long terme nos problèmes. Je veux qu'on les règle pour avoir enfin l'âme en paix. La Big Antenne, et on est en notre avec notre ami donc Cover One, qui est en train de s'affairer tranquillement mais sûrement à nous faire un beau petit graphe bien tranquillement. Ça va en direct, tout se passe bien là-bas. Vous pouvez suivre en direct sur les réseaux sociaux ce qui se passe aussi. N'hésitez pas à cliquer, bande d'escalopes. N'hésitez pas à cliquer, ça va bien se passer. On est toujours bien connecté ce soir. C'est un peu le bordel sur la platine. Marcus revient ou je te jure que je fais une grève de la faim. Je te jure que je vais le faire, Marcus, déconne pas. Et là maintenant, écoutez, c'est tranquillement, ça va être l'heure de l'apéro. Donc on dirait poivre, que plutôt maintenant interview, ça va être l'heure. C'est le poivre, plutôt sel ou plutôt poivre. Exactement, vous l'aurez compris, ça va être l'heure de l'interview. Interview, sel ou poivre, plutôt sel ou plutôt poivre. Alors attention, ça c'est un concept, vous connaissez peut-être, je sais pas si vous vous rappelez de l'émission Burger King, Burger Quiz. Vous vous rappelez de l'émission là, c'était assez sympa comme émission. Eh ben nous, la Big Antenne, on a le même genre pour l'apéritif, c'est ce qui donne un peu soif. Il y en a qui se bidonnent comme des phoques à côté. Ouais, laissez-nous galérer, en tout cas ça fait chaud au cœur, bande d'enfoirés, ça fait chaud au cœur. Alors, je vous regarde même pas, vous êtes trop cons. Alors, moi désolé. Je parle pas aux cons, ça les instruit, Drex. Interview sel ou poivre, on vous donne un truc, vous répondez tatac ou tatac. Allez, balance. Le principe, par exemple, si on vous dit, si je te dis par exemple East Coast dans le rap, East Coast ou West Coast, vous me répondez quoi, Lily? West Coast. West Coast, ouais. Toi aussi t'aimes ce qui est un peu bling bling, faut que ça tape un peu. Ouais, j'aime bien. Check ça, sœur. On s'est compris. Johan, toi c'est quoi, East Coast ou West Coast? East Coast aussi, ouais. West Coast, yeah, frère. Les autres baltringues à droite, c'est quoi vous? Je crois qu'il a dit East Coast. Et j'ai dit ouais, mais... Plus, Drex, t'es quoi toi? East aussi, moi. Ouais. East aussi. West Coast et la fine West Coast. West Coast, ah voilà. Mais vous avez, je me, l'été dernier, l'émission dernière, il y avait un temps de merde et autres, et tout le monde disait East Coast, East Coast. Dès qu'il y a un rayon de soleil, ah, tout de suite ça change, ça vire sa cutie. Mais bon, c'est noté. C'est pas du Il y a des players, est-ce que vous jouez un peu, genre, vous jouez un peu console, Johan, tu joues un peu? Non, j'ai pas trop le temps. Lily, tu joues un peu? Ça fait longtemps, mais... Ça fait longtemps. Bon, bah, là-bas, je sais que ça game un peu, hein, ouais. La fine gâchette, hein, on sait pourquoi c'est là. Happy Cash. Xbox ou PlayStation? La question piège. PlayStation, pareil, y a pas à chier. Sauf que la Xbox One S, elle coûte moins cher, mais... C'est des avis, c'est des avis. Ça se défend. Plutôt vin ou plutôt bière? Ou plutôt pas du tout? Vin. Plutôt du vin. Ah, il y en a qui sont français ici, c'est bien, on apprécie la démarche. Lily, pas du tout. Plutôt pas du tout. C'était la bonne réponse du jour. Eh ouais, vous êtes fait baiser, les gars. Plutôt bière. Ça dépend. Oui, ça dépend. Ah, question qui a son importance en ces temps troublés aujourd'hui. En ces temps vraiment troublés, où les jeunes sont en perte d'identité et de repères. Et il est important aujourd'hui qu'ils aient un phare qui guide leurs pas aujourd'hui. Des gens qui les accompagnent, des personnes bienveillantes. Donc la question est posée, plutôt Caris ou plutôt Booba? What? Répondez à la question, n'éludez pas. Caris ou Booba? Lily? Booba. Johan? On a le droit de se justifier ou pas? Ouais, tu peux. Hein. Ah, Booba. Parce que Caris, c'est un guignol à côté. Ouais, Booba, il est entrepreneur et tout, il fait vraiment des trucs propres à côté, mais... Booba. Plutôt Booba? Ouais. Ah, Booba à l'ancienne. Vraiment Booba à l'ancienne, on me dit, ouais. Moi, je m'en bats les couilles. Mais non, ça, par contre, j'ai pas dans la... Non, c'est pas inscrit sur la carte, Drex. Hein. T'es obligé de prendre parti, cesse de fuir tes responsabilités. Kaba. Ce sera la bonne réponse, étant un petit paragraphe en dessous de la carte, effectivement. Question qui a son importance. South Park ou Simpson? C'est chaud. Ah, les Simpsons, quand même, pour Homer. Les Simpsons? Ouais, c'est un vrai gueule. Lily? South Park ou Simpson? Les Simpsons. Ah. Tu me connais, hein, South Park. Drake, je doute que oui. South Park aussi. Et South Park? Ouais, South Park. South Park. Ah, il y a deux écoles. Et toi, pendant qu'il est en train de s'affaire, on l'entend pas beaucoup, hein, Seb, hein, quand il bosse. Les hein. deux. Non, c'est pas. T'es obligé de choisir. T'es sur une île déserte, t'as un coffret DVD avec un appareil USB. Justement, avec l'intégrale. T'as une clé USB avec soit l'intégrale des Simpsons, soit l'intégrale de South Park. Réponds à la question. Non. Ah, Simpson. Les Simpsons. Non, mais voilà, chacun se positionne, c'est important. Allez, un dernier parce que. Ah, non, une spéciale pour toi. Plutôt Tag ou plutôt Graph, Kovowan? À mon âge, je suis plutôt Graph. Ah. Alors, est-ce que, justement, tu peux expliquer un peu la différence entre Tag et Graph à notre cher public? On annonce 725 000 connectés, alors là, sur les réseaux. C'est énormissime, ça s'affole dans tous les sens. Donc, la différence entre... un Tag et un Graph, la différence entre un Tag, c'est fait en one shot, en une fois. Donc, c'est plus une signature, toi. C'est le blaze du graffeur, on va dire, quoi. Et le Graph, c'est des grosses lettres avec de la couleur, généralement. Généralement, dès qu'on tape de la grosse lettre, des grosses structures, c'est du graph. Mais dès qu'on fait du one-shot, marqueur, posca, bombe, ça c'est du tag. On est plus sur du tag. Sur quelque chose devant... Ancien métro, tu dois taper des signatures vite fait. Voilà, c'est signature vite fait. On voit à peu près la nuance pour le public. Et justement, ça avance un peu... Doucement, mais certainement. Sûrement, doucement. Sûrement après, ça arrive. On va reparler tout vite, allez, un dernier parce que je pense que les gens, ils apprécient et c'est important d'en parler, sans transition aucune, de Lily. Donc, on avait passé un morceau de toi. Non, on allait refaire une dernière interview, sel ou poivre. Pour tous ceux ici, plutôt vinyle ou plutôt CD, quitte à écouter de la musique. On parle pas de MP3, c'est pas une bonne réponse. C'est une réponse bannie, alors. Streaming. Alors, Johan, tu me dis quoi, toi? Streaming. Non, c'est mauvaise réponse. Ah, t'es sur une île déserte. Ouais. T'as une cassette. Ah putain, les gars, quoi. Soit une cassette de vinyle, soit une cassette de CD. Tu choisis quoi? Une cassette de CD. Une cassette, une valise, quoi. Ah, vinyle pour la nostalgie. Vinyle. Ah, vinyle aussi. Vinyle. Vinyle. Vinyle. Ah, oh, bah vinyle. Le vinyle. Ouais. Et la bonne réponse, c'était que sur l'île déserte, il n'y avait pas de platine. Donc voilà, bah ouais. Comme quoi, le CD, ça a son avantage aussi. Le CD, ça a son avantage aussi. En tout cas, voilà, l'interview sel ou poivre, c'est important que les gens ils en parlent. C'est l'interview sel ou poivre, effectivement. On va se refaire une petite pause musicale. Johan, ouais. Avec ton assos, toi, t'as sûrement quelques soins à nous faire passer, des petits produits locaux, des produits régionaux. On rappelle que toi, ATH Records, vous êtes basé donc sur Épinal. Ouais, Épinal. Hein, c'est bien ça. Et donc, voilà, vous faites de la promotion de musique urbaine. Donc plus orienté rap hip hop quand même, trap, voilà, chill out, brunchcore et compagnie. Tout ce qui est bon, tout ce qui passe bien. Non, donc on va se mettre une petite sélection de vos produits, éventuellement. Vas-y. Je propose qu'on se fasse ça tranquillement. Qu'est-ce que tu nous conseilles pour commencer en entrée si on veut se faire le menu tranquillement de la soirée? Un petit Celui Géléon avec Géléon, effectivement. Un gros bisou au poteau de Celui Géléon. Il y a c'est plus ou moins la femme de l'ombre de Celui Géléon qui est ici. Non, c'est exagéré de dire que c'est la femme de l'ombre, notre amie Lia. Mais bah, si quand même un peu, hein, faut le dire quand même. En tout cas, t'as leur t-shirt. Hein. T'as leur t-shirt. Mais on leur fait un gros bisou à nos poteaux Celui Géléon. Donc ouais. Ils ont une grosse actualité, effectivement, les petits salopards. Hein. Ouais. Ça tourne un peu quand même. Ça tourne. Ça sent la rage un peu. Ouais, là, pour le moment, ça commence à bien monter. Là, on fait le festival de Sion, la colline de Sion, le festival là-haut sur la colline. Ah, voilà, ouais. Chouette, en première partie de Medine et Kerry James. Ah, cool, ouais. Putain. Et donc, c'est le 30 juin. Et le 28 juillet, si je me plante pas, ils font la première partie de Soprano. À la foire au vin de Colmar. Ouais. Donc, voilà, et d'autres trucs à venir très prochainement. Ouais, ils le méritent encore pas dire. Ouais. Le ouais, merci, c'est cool. Ouais, franchement, ils assurent. Il faut le dire, c'est mérité. Hein. Mais ils ont la dalle. Ils ont la dalle. Ah, ils bossent pour. Donc, ouais. La passion est là, on le sent. Non, ils gèrent bien. Grave, ça fait plaisir. Justement, et puis il y a des personnes bien sympathiques, des artistes bien sympathiques, effectivement, qu'on va commencer à découvrir tranquillement. Donc tu nous proposes laquelle de Celui Géléon On va prendre Prêter. Vous avez eu l'occasion de l'avoir en live aussi avec Choka et sa guitare et ses cheveux. Entre parenthèses aussi, Choka Prêter avec. S'il te plaît. Alors attends, parce que là, c'est du direct, hein, messieurs, dames, je sais pas si vous l'avez remarqué, c'est du direct. Tu connais pas les boutons, juste non, ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore vu le prix qu'on paye, qu'est-ce qu'il faut encore là-bas au tag, là-bas? Non, ça avance tranquillement, en tout cas, notre ami Cover One qui est toujours affairé. Et voilà, un souci technique indépendant de notre volonté, messieurs, dames, qui est résolu. On balance sans plus attendre, donc c'est du Géléon, avec donc le morceau... Pré-tape, c'est parti, here we go. Pas prêt, j'arrive, Marie, mon frère, mon rap, ma voix, mes cahiers, tes pâtés, j'ai que mes pâtés sur mes papiers que j'ai étalé, les ingrédients ont firmé toute la recette, mon grain de sel quand en plein texte. Et tu bouges la tête, viens d'être sens parce qu'il le valait bien fait, je pense que j'ai taffé toutes mes rimes entre toutes tes rythmes dans l'attente prélassée. Je crois que le sample est cassé, le riff de gratte et rafle, pas d'esprouf, le truc est gratin grave car le ref n'arrête pas de crash, il roule, on est paré, bien plus qu'il n'y paraît. J'ai tellement gratté de lignes, j'ai pu devenir fou, allez, paré, allez, c'est les aléas et allez, naze la serrer, le rap, là, c'est des allées, sandales, allez, singes, ça trasqué, la gravée, on peut plus reculer, rien effacer même sur des faces béfalées. On porte nos coups, c'est pour ça qu'on a mis les paquets dès le départ. T'sais, on a que nos stylos, nos petits post-itos, dit nos rimes de haut niveau, mais et ça c'est. Après tout, je fais que passer mes nuits à effacer et gratter des phrases bêtes, quelques casse-têtes, des ratés, car des fois c'est. Les reviennent, tête obscène, j'en fais la peau sans m'en séparer. Mes proches peines, j'ai les poches pleines de papier. Car faire du fric, j'ai pas l'art, c'est estouche de pas le cacher. Vos textes donne mal à la tête, moi je rappe et je touche, pas de cacher. Mon rap, c'est tout ce que j'ai pas fait, je veux pas le voir m'échapper. Je crois qu'il faut que je rêve la. Alors je guise ma plume sur le papier. Ah ouais, t'es pas prêt. On fait tout sauf s'éloigner. Ouvre les oreilles, les yeux et le paquet. Y'a plein de lectures, c'est soigné. Pareil que la tape est parée. Prends le train avant d'être dépassé. J'entends que le truc est trop. J'crois voir le futur trépassé. Et tout à coup, des fous jaloux viennent juste me dire que c'est chadé. Car tour à tour, les coups savourent ce doux amour qu'on aime clamer. Je touche à tout, je réfute, j'avoue qu'il bouge la croupe sans décaler. Si je course la boucle, c'est tout à tout. Le poule à doux, j'suis presque papier. Ah ouais, j'ai craqué. J'ai trop à dire, ouais, c'est pas vrai. Faut que j'arrive à contenir à flot les larmes dans que j'ai chialé. Car on parle d'oré rap. Si vous en avez pas lié,

Donc notre ami Cover One, il est en train de s'affairer, il continue à s'affairer à la réalisation de son dessin. Et on vient d'écouter donc un morceau de Céluge et Léon, nos potes d'Épinal, que nous a ramené, un morceau que nous a ramené Johan. Yes. Donc Céluge et Léon, qui est donc de rookie de ton label un peu. Ouais, ouais. Voilà, ouais. C'est un peu les entre guillemets les petites étoiles montantes du label. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Ouais, ouais, non. Après, j'aime est-ce pas que... mettre tel ou tel artiste plus haut que l'autre, mais bon, après, voilà. Oui, voilà. Bon, après, j'en ils font le taf. Ouais, ouais, ouais, non, mais clairement. Ouais. Ouais, bah, après, voilà, chacun avance à sa manière, mais franchement, ils arrachent, quoi. Ouais, ils arrachent bien. Et donc, il y a aussi à la guitare, j'imagine que c'était Shoka. Shoka, ouais. Shoka, donc à la guitare qu'on entend donc sur une reprise de. Ouais, un petit jeune aussi, très prometteur. Très prometteur, très, très bien. Voilà, avec un ensemble de Sweet Dreams, ouais. C'est ça hein, ouais. Et Dreams. Si je peux rajouter un petit truc, la mixtape après est toujours disponible en téléchargement sur le site hauteculture.com. Ah, sur hauteculture, voilà. Hein. C'est combien? N'hésitez pas. C'est gratuit. Ah, c'est cool. C'est gratuit. Dire, c'était le premier projet gratos, ouais, comme cool. Ça, pour s'entraîner. Ouais. Et prochainement, le P3 titre arrive sur les plateforme de téléchargement légal. Yes. C'est cool, beau, cool. Ça. C'est donc beau. Voilà, le pays qui s'appelle Multicolor. Yes, trois titres donc là, trois titres qui arrivent. Donc là, ça a été au fourneau, ça a été peaufiné proprement. C'est beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot, un aboutissement de beaucoup de travail. Et ça promet d'être lourd. Ouais, il y a des chances. Grosse surprise. Ouais. Donc là, il commence à bien tourner en tout cas hein, les deux. Ouais. Alors. Cool. Pour nos auditeurs, désolé, hein, mais c'est une remarque qui revient assez régulièrement. Je suis désolé de mettre ça sur le tapis. C'est Céluge et Léon, Big Flo et Oli d'Épinal ou Non. Voilà, mais c'est un truc qu'on a souvent entendu. Non, malheureusement. C'est Big Flo et Oli, c'est les Céluge et Léon toulousains. Mais les gens, sont beaucoup trop cons pour se rendre compte. Voilà, c'est ça. Ah bah oui, non, mais voilà. Ça sert à ça, la big antenne. Vous apprenez des choses. On rétablit les vérités. En tout cas, les soutient. Bah oui, c'est les big vérités. En tout cas, on les soutient vraiment à 400%. Oui, ça mériterait un jingle. Un big vérité. Mais c'est vrai que c'est une réflexion qu'on a malheureusement entendue. Ouais, parce qu'ils sont frangins. Mais il y a aussi PNL, il y a aussi. Voilà, effectivement. C'est pas le même gabarit. Après, c'est différent aussi quand même. Ouais, ouais, clairement. Clairement, mais c'est différent, très différent de Big Flo et Oli. Et je pense qu'ils vont le prouver sur le prochain projet qui va sortir. Après, il y a des influences aussi. PNL, je croyais que c'était cousin, moi. Non. C'est de la cousinade, quoi. C'est de la cousinade. Donc ouais, en tout cas là, on va avoir l'occasion de les retrouver sur des scènes un peu conséquentes entre guillemets. J'en place une petite en même temps, tant qu'à faire. Hein. Encore dédicace tout le monde. Ouais. Je vends une Peugeot 400 000 km pour pièce. Ouais. Alors par contre, c'est les petites annonces d'après. Excusez-moi. Non, parce que je regardais tout à l'heure Cover One qui est en train de faire les logos et tout ça, et je vois qu'il a un petit pull mauvaise graine. Et d'ailleurs, je passer un petit bonjour aux gars de Mauvaise Graine parce qu'on les retrouve aussi au Festival de Sion le 29 juin et aussi également à ce grand festival. Donc voilà, big up à eux aussi. Big up à eux, aux gars de Mauvaise Graine, effectivement. Graine. Ah oui, c'est important de faire des big up quand même, faut que ça reste un peu chaleureux quand même. Ouais, normal. Non mais c'est vrai, Drex, écoute, t'es marrant toi. Mais, big up, en plus, il y a... Bah vas-y, t'as des big up. Il y a un très bon... Clavieriste, c'est comme ça qu'on dit? Ouais. Un gars qui joue dans Mauvaise Graine, que je connais, il joue comme un ouf. Ah bah voilà, la Jérôme, musique, c'est... Jérôme, ouais, c'est... Big up à Jérôme. C'est des rencontres, c'est des connexions, c'est du partage, c'est un beau message d'amour et d'espoir. En principe, il y a un ensemble de cantiques derrière, mais là, on l'a pas ce soir. Mais, en tout cas, voilà, c'est Céluge et Léon. Et donc, Lily, donc, toi, hein, tu as bien signé aussi chez 88 Oui. Oui, hein, voilà, qu'on dise pas de conneries quand même. Oui. Donc, toi, t'as eu... C'est quoi ton actu, alors, à venir? Des scènes à venir, prochainement, là? Pour l'instant, il y a un EP. Un EP, cours, donc. Je prends mon temps. Voilà, c'est important de prendre son temps. Voilà, et on a prévu des clips et tout, mais bon, pour l'instant, j'en dis pas. On travaille ça bien. On va pas faire d'espionnage industriel, hein, chacun. Chacun. Après, ça va se finir devant les avocats, ces histoires, c'est pas la peine. On met tout ça en forme et ça viendra. On met tout ça en forme et ça sortira quand ça sortira. On est d'accord. Exactement. On est d'accord. En tout cas, voilà, Lily, toi, comment ça s'est fait un peu la connexion entre vous comment t'en es venue à faire de la musique aux côtés de Johan, du coup? Alors, c'est un copain à moi, Mylan, qui chante avec moi d'ailleurs sur un des morceaux. Voilà, le morceau qu'on a mis d'ailleurs, voilà. Qu'on peut dédicacer effectivement sur le morceau. Ouais. Il m'a parlé de Johan, de 88 et tout ça, et il m'a mis en relation avec, et puis ben voilà, on s'est rencontrés. Ouais. On a parlé des projets. Et... c'est celui qu'on a vu à l'artiste ou non? Ouais, avec. Ouais, ouais, cool aussi, ouais. Ouais, c'était bien, sympa aussi. Ouais. Ouais. C'était bien sympathique aussi, effectivement. Donc, ouais, des bonnes connexions aussi, quoi. Et donc, ça fait combien de temps que tu roules, entre guillemets, pour 88 Records? 6 mois, à peu près. Ouais, Six mois, c'est presque un an bientôt, en fait, ouais, j'y pense. Ouais, à peu près. Ouais. Bientôt un an, mais voilà, ça se met en place tout doucement, mais tout sérieusement. Parce que toi, le label, ça fait combien de temps que ça a émergé? Voilà. À la base, en fait, ça s'appelait 88 Music. Mm-hmm. Et après, bon, je me suis associé avec un pote Romain qui m'a aidé à avancer aussi. On a dû appeler ça 88 Records et tout ça pour tout ce qui est paperasse et tout ça, faire ça propre. Et du coup, ça restait 88 Records. Et voilà, ouais, ça fait, je dirais, depuis fin 2015 vraiment que c'est lancé tout ça. D'accord, ouais. Donc, ouais. Ça commence à faire, c'est cool. Ouais, ouais, bah de toute façon, je me suis donné 5 ans pour faire péter au moins un de mes artistes. Donc, je pense que. C'est bien parti, l'objectif. Je pense que voilà, je me suis donné une mission, un objectif. Et après, voilà, j'ai dit. C'est une belle mission, ouais, c'est une belle mission. Ouais, après, bon, bah voilà, ça reste du travail d'équipe aussi, je fais pas tout non plus. Ah, bah, bien sûr, ouais. Mais ouais, voilà, ils ont. Je travaille avec mes artistes en équipe et c'est ça qui fait avancer tout le monde. Voilà, tout simplement. C'est joliment dit, c'est joliment dit. Notre homme de l'ombre derrière, Mr. President, le producuteur derrière, il acquiesce de rechef. Effectivement, il dit rien derrière, mais il en pense pas moins. Petit dédicace quand même, mon petit Michel. On fait une petite dédicace quand même, un gros big up peut-être au pote Omiyagi qui est pas là. Ouais, grave, bah ouais. Un gros poutou. Un gros poutou qui bosse. Il bosse, c'est ça. Ouais, pour payer votre chômage. Ouais, c'est moche ça, pour payer votre chômage, votre RSA, enfin voilà, votre shit. Ah, voilà, bah voilà, super. Les Berlambeaux. Super, voilà, bah super, bravo. Eh oui, c'est un peu ça aussi, les tristes réalités de ce monde. On écoute de la musique pour s'évader. Hein. La musique, ça permet de penser à autre chose. Ça fait planer, frère. Oui, c'est vrai, ça fait planer, gars. Je pense que maintenant, mon petit Drake. Putain, les jingles, ils me boycottent depuis tout à l'heure. À chaque fois, on prépare un truc, les mecs, c'est exceptionnel. Et non, bah, les aléas du direct, quoi. Les aléas du direct, c'est malheureux. Enfin, bref, voilà. T'es boycotté, mec. Je suis boycotté, ouais, je suis boycotté. On va parler des étoiles. On va parler des étoiles. On va parler des étoiles, Drex. On va parler des étoiles. Parlons des étoiles. Parlons des étoiles. Bah oui, en tout cas, le soleil revient. Le soleil revient, c'est l'été. Et donc, ça annonce pas mal de festivals, tout ça. Donc, comme tu nous disais, Johan. Des festes pour retrouver nos potos, des festes et des scènes pour retrouver donc un peu tes artistes, tes poulains, hein, tes petits poulains. Là derrière, on me suggère de parler pour nos auditeurs derrière le 14 juin, vendredi 14 juin, chez Janine, un concert chez Janine, c'est à Saint-Maurice-sur-Moselle. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude. De se promener dans les coins là, c'est après le Tio si jamais vous êtes vraiment perdu. Donc n'hésitez pas à venir, c'est une soirée chez Janine le 14. Chez Janine, au village ils l'appellent Janine, c'est pour ça. Donc chez Jeanne, petit café concert sympa avec donc un concert, une petite nuit hip hop bien sympathique avec Doof Reman. J'arrive pas à le prononcer son prénom, c'est bien ça, c'est enfin Doof le copain Doof quoi, le copain Doof Reman. Il est qui livre un petit rap reggae. Il a des passages en Wolof et autres, c'est excellent ce qu'il fait. Le ouais, poteau, ça pète ce qu'il fait. Il ambiance bien ce qu'il fait. C'est lourd. Avec nos poteaux de Smoka aussi qui nous font le plaisir d'être là ce soir. Et le fond du quoi? Le fond du crew. Ouais, c'est un groupe de merde, ça, les gars, ouais. Ça vaut pas vraiment le coup. Ouais, n'écoutez pas. Non, ouais. Non, le fond du crew avec vos imbéciles aussi. On a une petite soirée, c'est hosté, c'est ambiancé par le poteau Caporal Jamal qui nous vient de. Il vient d'où déjà, lui? Nancy. Non, il n'y avait pas de Nancy. De très très loin. De très très de loin. Guyane, je crois. Ah oui. Ouais, enfin, vient. Il fait exprès l'aller-retour pour vous. Il vient chez Jeanne. Il repart le lendemain, le gars. Ouais. Non, en tout cas, c'est le 14 juin. C'est gratuit. C'est à 20h à Saint-Maurice-sur-Moselle. Le 14 juin chez Jeanne. Retrouvez-nous nombreux et nombreuses. Ça sera un plaisir de vous retrouver et de mettre le sbeul tranquillement. Plus de 2 ans après, en plus. Deux ans après. Plus de 2 ans après, quoi. Et c'est gratuit, hein, les gars. C'est gratuit. Hein. Plus de 2 ans après quoi? Chez Jeanne, non, c'était au Guiluron, non, c'était au Guiluron, je crois. Ouais, c'était au Guiluron. Ouais, c'est presque pareil, c'est pas trop loin. Ouais, il y a une vallée de différence. Ouais, quand même. Ouais, y a une vallée de différence. Ouais. Pour certains, ça vaut pas grand-chose, mais pour d'autres, mais pas trop loin. Ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup, effectivement. Effectivement. Bah, les querelles de clochers sont toujours ce qu'elles sont. Il est vrai, il est vrai. Bon, écoutez, là, de toute façon, vu qu'on est parti pour que ça soit tranquille, on a encore le temps. On se fait une petite pause musicale. Ça vous va, messieurs, dames? Une petite pause musicale. Qu'est-ce que tu nous conseilles alors? Un petit truc de ton cru, Johan? J'ai Vix Point Rouge aussi dans Vix mon répertoire. Vix Point Rouge, ah ah ah. Alors, attention, dans le répertoire, alors parle-nous lui un peu de ce Vix Point Rouge. Vix Point Rouge, c'est un petit jeune de Nancy que j'ai signé il y a quelques mois là, sur le label. Il y a son EP Transcendance qui est disponible sur les plateformes de téléchargement depuis le mois de décembre, ouais. Et donc là, il travaille sur des clips, des morceaux et tout ça qui vont encore arriver après. On cherche des dates aussi pour lui et tout. Donc, mais un petit, comment dire, un style très éclectique aussi. D'accord. Qui a plusieurs cordes à son arc et qui s'en sort bien, qui irait loin aussi, je pense. Ah, d'accord. J'ai vu ça l'autre coup. on va écouter ça tranquillement. Ouais. Hein. Alors, tu nous conseilles quels sont Pardon, merci. Il y a le clip qui est disponible sur YouTube. Voilà, classe. Le mec, il a des clips. Hein. Ouais, il a des clips tournés par Renox. Comme nous. Renox, c'est quand même une figure dans le rap France et tout ça, donc avec qui on a tourné plusieurs clips, ne serait-ce que pour le label, donc ouais. Donc vous avez des clips, hein, vous sous la main, ouais, pas mal. Ouais. Bah, on a un clip par exemple avec Jamben et Olkinri, des trucs comme ça. On a bossé avec Olkinri aussi. Ah ouais, quand même. Ouais, des petits trucs sympas quoi, qui font plaisir, qui font des vues sur YouTube. Ah bah ouais. Donc cliquez, c'est ça, bande d'escalopes. C'est ça. c'est pas plus compliqué. Hein. C'est pas plus compliqué. Hein. Eh bah, on va s'écouter ça alors. Vix Point Rouge. Ouais, c'est un morceau posé qui s'appelle Pardon Merci. C'est pas du rap, c'est pas du, comment dire, du rap à proprement parler. C'est un truc bien posé, bien à lui et qui passe vraiment crème. Ok. Et puis après, qu'est-ce que tu nous conseilles juste pour enchaîner juste après tranquillement? Un petit charisme. Charisme. K-R-I-S-M. Charisme. Voilà. Hein, charisme. Qu'on soit d'accord, pas d'amalgame. Un morceau qui me tient à cœur et qui est très poignant. Alors, donc Charisme, il nous vient d'où lui? Il vient de Nancy aussi, c'est Nancy le poteau avec Point Rouge. D'accord. Et on les retrouve régulièrement sur scène ensemble, même dans le clip Titi Parisien. Titi Nancéen, pardon. Le remix de Seth Gecko, justement. Ouais. Et donc, du coup, on les retrouve tous les deux dans le clip aussi, qui est disponible sur la chaîne du label. Donc, ouais. Ok. Les deux morceaux là, Vix Point Rouge avec Pardon, Merci et Charisme, et Je suis qu'un homme. Et donc, ça, tu peux cliquer sur YouTube. Sur YouTube. Tu cherches Etiette Records, par exemple, sur YouTube. T'as la chaîne avec la playlist et tout ça, artiste. Et du coup, tu peux tout trouver, tous les artistes, tous les morceaux, tous les clips. C'est beau la technologie. C'est magnifique. C'est beau la technologie. Tu cliques, tu trouves. Tu cliques, tu trouves. C'est pas plus compliqué. On est d'accord. Bon, eh ben, écoutez, les petits loulous, les gadgets, les gadgets, on va vous laisser avec donc un morceau de notre ami Vix Point Rouge, suivi par Charisme. En avant la musique, vous êtes sur le 107.0. C'est parti, on reste connecté. Si, c'est bon. Pardonner et puis remercier. Pardon, merci. de cœur. Pour pas tricher, faut apprendre par cœur. L'effet du temps agira toujours. Je suis comme une souris coincée dans ma boule. Dans le labo, on a concocté un tas de choses à défaut d'appeler. Ouais, c'est vrai, moi je voudrais m'exposer en plein ouest, une grande maison avec des baies vitrées. Ouais, c'est vrai. À chaque histoire, une appréhension. A-t-on pris le temps de parler deux secondes? On prend un verre, toi et moi seulement. Pardon, merci d'aller de l'avant. Je pense au love, au malheur de ma rue qu'il me pardonne. Oh oh oh oh oh oh oh, vous êtes toujours avec nous, vous êtes toujours présents. La big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne. Il y a notre poteau Cover One qui a repris son stylo, ses stylos pour nous faire un graphe bien sale comme il faut. Johan qui est toujours avec nous avec le label 88 Records. Et Lily qui est là aussi, effectivement, t'es la seule fille autour de cette table. Mais heureusement, on a Lia aussi qui nous fait la régie dans l'ombre. C'est important parce que sinon, on serait peut-être un peu... dans la panade, on va dire. Quelques soucis techniques pendant que ça s'affole en cabine là-bas. Notre ami Drex qui semble désemparé. Mais ça se passe bien, c'est du direct. Donc on vient d'écouter effectivement un morceau de donc, notre ami Vix Point Rouge en premier lieu. Ouais. Avec le titre, c'était le titre... Pardon, merci. Pardon, merci. Et il l'avait fait en live la dernière fois. Ouais, il l'avait fait en live. Et un morceau bien efficace. Ouais, ouais. Un morceau bien efficace, effectivement. Mmh. Et juste après, c'était Carré. Donc charisme avec le titre j'ai plus le souvenir. Je ne suis qu'un homme. Ouais. Voilà, donc voilà, des titres bien sympas, ouais. Bien sympathiques, qui font toujours plaisir à écouter, à trouver dans les oreilles. En tout cas, eh ben, écoutez messieurs, dames, maintenant que tout le monde est autour de cette table et que Drex est de nouveau connecté, je pense que... L'heure du portrait chinois. Ça va être l'heure pour ceux qui n'auraient pas compris. Et maintenant, l'heure du portrait chinois. Vous connaissez le principe du portrait chinois. Ah ouais, attends, c'est déchaîné sur les jingles, les mecs. Hein. Ça nous a coûté 4000 balles. Hein. Ouais, c'est un gars, Los Angeles, qui fait des jingles comme ça, mais franchement, c'est qualitatif. C'est une plus-value pour l'émission. Tu peux c'est un peu raciste. Ouais, un peu. Je sais pas, le mec qui m'a vendu le concept, il m'a dit que justement, c'était, c'était multicolore. Oh, c'était multicolore. Il la place. Petit placement de produit. Acheter les t-shirts. Pour nos amis, ouais. Cellules sur internet. Oh, c'est beau quand même comme concept. Hein. Eh, n'empêche, ça sent une subvention comme multicolore comme projet de. Bon, on est sponsorisé déjà. Enfin, ça fait. C'est beau, c'est un beau mélange, un beau message d'espoir quand même, multicolore. Enfin, ouais, ça fait rêver. C'est un beau message tout court, de tout ce que tu veux. Ça fait rêver. C'est que du positif. Ouais, t'as des étoiles dans les yeux quand même. T'as des étoiles dans les yeux. Drex, non, il n'y a que son cœur, la haine qui l'allie, mais qui ravive son cœur. Meurtri, mais si, remarque, multicolore, c'est un beau concept. Ils ont des super t-shirts à vendre. En plus, l'IA, elle a un super t-shirt multicolore avec des couleurs et puis c'est blanc. Et il y a marqué c'est celui Géléon en bas aussi. Regarde, Miex, il l'a acheté pour serrer. Oui, Miex nous a expliqué comment avoir comment enfin, c'était ce genre de modèle de t-shirt qui peut avoir une certaine incidence sur la jante féminine qui pourrait avoir un potentiel séduisant. On va dire que c'est ça. Ah ouais, clairement, clairement. Notre ami Miax du fond du crew nous avait expliqué ça avec ses mots à lui, c'est assez intéressant comme concept. Il pourrait peut-être en débattre là, autour de cette table. Donc non, on s'égare du nord comme disait le Viking, mais revenons à nos moutons, on vous disait que c'est l'heure du... L'heure du portrait chinois. Allons-y. Alors le principe du portrait chinois, donc c'est si j'étais un, je serais un... Chinois. Voilà, si j'étais... Je sais pas, si j'étais un soda, je serais du iced tea par exemple. D'accord ? Le principe, c'est pas compliqué. Si j'étais un fromage, je serais. Ok, alors attention, on va commencer. Attention, Drex, si j'étais un film. Peut-être Inception. J'ai peut-être dit ça déjà. Mais sortez-le. Ouais, Inception. Inception, alright. Mr. Nobody. Lily, tu serais, si tu serais un film. Franchement. Un seul, tu es. Bah, toujours pareil, hein, une île déserte, t'as un seul DVD. un seul. American History X. C'est vraiment un film. Bam, la gueule écrasée sur le trottoir. Claque les dents. Je crois que c'est un documentaire. Johan, pour toi, un film. C'est chaud ça. Ouais, c'est Je suis pas trop film, mais je suis pas trop cinéma. Non, les deux. Ouais, c'est chaud. Friends. Non, on va le sortir là-bas. Sécurité. Un seul film. Mobet of Blues. Chaud. C'est pas évident, hein. Je sais pas, il y a quoi comme film avec. American Pie. La haine, ouais, c'est pas mal. serait pas mal. Je sais pas. Ouais, là. Combien, quoi. Mais c'était pas craqué. Mais c'était non, pas. Ouais, chacun ouais. son truc, hein. Chacun son truc, hein. Olivier, dans l'ombre, il semble, ça semble agacé. Un seul film pour toi, ça serait. Mais j'ai cité La Haine. La Haine, ouais. Mais ouais, je le rejoins sur La Haine, en fait, pour la scène avec les platines et tout ça. C'est vraiment un gros kiff. C'est propre comme film. C'est sympa, carrément. Orange Mécanique. Et ainsi de suite. Moi, je citerais Waterworld avec Kevin Costner. Ah bah, après, bon, faut aimer le cinéma, hein, ça c'est autre chose. Hein, ça, c'est ah, si, il y a Bernie Noël aussi, c'est pas mal. Le film qu'on avait maté chez toi, un peu substancé. c'est sûrement une perle. Zombie strippers, c'est ça. Ah ouais, bah ça c'est pour les amateurs de série Z, bien bien Z quand même. T'avais pas un texte là-dessus d'ailleurs. Si si si si. Bon, non, on y viendra peut-être pas. On y reviendra. On a fait la dernière émission. C'est au sport, aussi, t'as un texte, non. Ah ouais. Alors, si vous étiez, tiens justement, ça c'est une question qui a son importance. Si vous étiez un fromage, parce que moi c'est des questions, j'aime bien servir les gens comme ça par rapport à ce qu'ils me répondent. Pesez attentivement vos prochains mots. Question fromagère. Pas déconner avec le fromage et Big V. Non. Johan, si tu étais un fromage. Le Morbier. Putain, ouais. C'est trois points. Lily, si tu étais. Goûtu. Doux et goûtu et pourri à l'intérieur. Lily, si tu étais un fromage. Franchement, je sais pas. Mais. Wow. Trop facile. John, si tu étais un fromage. Le Munster, gros. Je suis souvent de la gueule. Le veau, s'il était un fromage. Là, je sais pas, c'est une question qui se pose. C'est compliqué à répondre, mais là, tout de suite, c'est vrai que de la cancoyote. La cancoyote à l'ail, l'échalote, vent blanc. La cancoyote, c'est quand même vraiment pas mal. Drex. Moi, un petit coulommier, ouais, ça passe bien, tu vois. Un coulommier. Tranquillou. Du leader. On a des réponses. Un coulommier éco plus. 1,40€. Et Seb, s'il était un fromage. Un bosque. Seb, s'il était un fromage. Il mange pas de fromage, donc il n'existerait pas. Et Smoka, s'il était un fromage. Coffulant. Allergique au lactose. Ah bah oui, bah tant que t'es autour de la table, t'es là. Hein. Gruyère industriel. Du gruyère, ah ouais, ouais, c'est vrai qu'il avait déjà répondu à la question à la con la semaine la dernière fois. Ouais. Oh. Non, c'est vrai. Déjà, ça nous avait agacé comme réponse en plus. Ça peut faire un débat. C'est vraiment de la provocation de. C'est pas de très bon ton de rigoler avec ça. C'est pas faire plaisir. C'est pas faire part, comme on dit, non. Admettons, si vous étiez. Tiens, ça c'est very important. Si vous étiez une ville des États-Unis, Johan. Only one city in States. Atlanta. Atlanta, ça c'est ghetto comme réponse. Ouais, tout part en testicule là-haut. C'est vrai. Ça fait, c'est Rodney King et tout, Atlanta. Hein. C'est Atlanta qui avait eu les affaires Rodney King et tout. Ouais, il y a eu plein de trucs là-haut, c'est space. C'est chaud. Hein. C'est chaud. Lily, une ville des States. New York. Ghetto. Seb. Forcément. Une ville des Amériques. Brooklyn. Ah, c'est pas une ville, hein. Bon, enfin, c'est New York, quand même. Ouais, c'est un quartier. Admettons. Admettons. La fine, une ville des States. Boston. Oh, c'est beau, ça, Boston aussi. J'aime. Bon, je dirais c'est au sport. Putain, connard. Ouais, on reste dans les classiques. Tu peux dire Springfield aussi, hein. Ouais, Springfield, ouais, mais je m'en rends de Springfield. Ou l'Anglais Falls. L'Anglais Falls, c'est pas mal non plus. Petite banlieue, fort sympathique. C'est les Amériques. Ah, question qui est sympa aussi. Si vous étiez un super-héros, qui serait un super-héros? Qui serait quoi? Une super-héroïne. Mais tu peux être un super-héros. Ou si tu veux être... Moi, je serais The Green Hornet. The Green Hornet. Je sais même pas qui c'est, alors. Bah, tu chercheras. Ouais, d'accord. C'est un bon petit film sympa. On écrit de nouveaux mythes. Capitaine Constat, mon gars. Capitaine Constat. Ah, c'est un super, super héros, ça. Ouais, j'avoue que... C'est pour ceux qui connaissent South Park, ça. Oui. Capitaine Constat. C'est un personnage qui a un fort pouvoir de constatation. Effectivement. Johan, un super héros. Bah, à part moi-même, je vois pas trop. Ah, c'est beau, ça, ouais. Non, aucun, je sais pas. Peut être un héros. Seb, lui, il a envie de. Les pompiers. Ouais, bien vu. Beau, bah, ça. Du coup, tu vois, je vais dire, ouais. On va les voir, nous, franchement, bravo. C'est beau, les héros du quotidien, comme c'est ça. C'est super méchant contre les pompiers, du coup. Lily, tu serais quoi, toi? Les bobos. Ouais, je dirais Spider-Man. Spider-Man, ouais. Ouais, mais les pompiers, c'est la meilleure réponse du monde. Ouais, franchement, bravo. Il gagne un t-shirt et un album. Moi, je serais infirmier si j'étais un super-héros. Dédicacé, ouais. Enfin bon, ouais, ma foi, qu'est-ce que tu veux que je te dise, à écouter des conneries, hein, ma foi. Bref. Ah non, mais sans déconner, ça commence à vraiment trop sentir le vivre ensemble comme mission. Les gars, au bout d'un moment, on va falloir se lâcher. C'est bon, on va les envoyer, les demandes de subventions, vous inquiétez pas. On va commencer à peut-être un peu hucher. Hein. Là, justement, Sébastien, tu nous as agacé avec tes réponses comme ça. On te demande un super-héros, non, c'est trivial, c'est terre-à-terre. Eh ben écoute, on va se mettre un petit peu de son. Justement, c'est tout le contraire, un morceau d'un prophète des temps modernes. Maître Gims. Non, un prophète des temps modernes, à mon sens. Excuse-moi, tu m'as trop tendu la perche. Dans un autre registre, on va vous mettre, bah, il fait chaud, c'est bon enfant. On va vous mettre un petit Alpha 520 si ça vous dérange pas. Écoutez, c'est l'été, moi je suis en train de poncer ça depuis quelques jours. C'est alors, important de réviser ces classiques. Un petit Alpha 520, si on retrouve le CD, c'est un tel bordel dans les studios. Marcus, je te jure, j'ai déjà perdu 400 grammes depuis que j'ai commencé la grève de la faim. Marcus, reviens. C'est comme Florence Aubenas, tu sais, celle qui était partie au Mexique. En tout cas, voilà, on va vous laisser avec un petit morceau d'Alpha 5, avec le morceau... Oh, est-ce qu'on va... Oh, allez, on va se mettre ça, ouais. C'est, voilà, parce que là, vraiment, là, ça sent trop le vivre ensemble. On va vous laisser avec un morceau de Alpha 5, Les rappeurs sont des chattes, sorti de l'album. Tiens, ah bah, à con ou ennemi, hein. Sorti de l'album Scarface d'Afrique. La mort avant le déshonneur, Alpha 520, le prophète des temps modernes, le prophète qui s'est heureusement assagi, qui est devenu imam maintenant de Alpha 5. Il y en a qui sont offusqués dans les studios. Mais voilà, on va vous mettre un petit morceau et juste après, on revient avec une petite surprise. Restez connectés et juste après, vous avez un petit cadeau à gagner si vous appelez le 0329. Le grave de Cover One. 69, 40, on était 40. Mieux chez Koé quand même. Ah bon, on était mieux chez Koé. Chez Koé. Alors attention, c'est parti. Où Anuna, alors. On était mieux chez Skyrock. Hein. Alpha 520. Les rappeurs sont des chats. Oh. Les rappeurs sont des chats. Devant Laurent Bounot, les jambes vous écartent. Oh. J'ai pas besoin de Sky. Besoin de major, une fois plus qu'un poteau indépendant jusqu'à la mort. Vrai. Les rappeurs sont des chattes, les rappeurs sont des chattes. Devant Laurent Bounot, les jambes ils écartent. Vrai. J'ai pas besoin de Sky, j'ai pas besoin de major, une fois plus qu'un poteau indépendant jusqu'à la mort. Vrai. Les rappeurs sont des chattes, les rappeurs sont des chiens. Ils critiquent puis après, ils vont sucer les mêmes. Les rappeurs parlent de tests, ouais. Pour moi c'est des chapelles. Ouais. Les rappeurs vont en tôle, pour moi c'est des hôtels. Souper avec le diable, j'ai pris une grosse cuillère. Ouais. Pavé de bonnes intentions et le chemin de l'enfer. Les rappeurs n'ont pas de maille, leurs voitures sont des locks. Les rappeurs n'ont pas de flingue, ils empruntent à leurs potes. Les rappeurs sont dragons, les rappeurs sont requins. Mais y'en a pas un qui va se battre pour le Benin. Et j'suis comme Yves Levent, ouais. Un vrai Black Panther. Salam à tous les anciens, les autres n'ont qu'à se taire. Les rappeurs sont maintenant des enfants de Haki qui jurent sur le Coran avec des bouteilles de whisky. Les rappeurs sont des chattes, oh. Les rappeurs sont des chattes. Devant Laurent Bounot, les jambes ils écartent. Oula. J'ai pas besoin de Sky, j'ai pas besoin de Major. Oh. Qu'une fois plus qu'un poteau indépendant jusqu'à la mort. Vrai. Les rappeurs sont des chattes, les rappeurs sont des chattes. Devant Laurent Bounot, les jambes ils écartent. J'ai pas besoin de Sky, oh. J'ai pas besoin de Major. Qu'une fois plus qu'un poteau indépendant jusqu'à la mort. Vrai. Les rappeurs ont une vie de clash et faux baston. En prison vous laverez mes chaussettes et mes caleçons. Mon récit manifeste, c'est que j'ai vu et j'ai entendu. Ma musique est sincère, mon âme je l'ai pas vendue. Venez me faire la peau, je veux mourir compact dans la BM de Choux. Quand les vitres éclatent, quand les rues s'embrasent, ça tire à Las Vegas. C'est une légende qui meurt, l'industrie est un rapace. Yeah, chacal, la rime a rendu Yves comme si murder en boîte. Je tire toutes mes clips. Les rappeurs viennent te sucer pour un featuring. Leur trahison n'est pas loin, j'aperçois des signes. Mensonges dans leurs yeux, hypocrisie dans leurs gestes. Maintenant qu'ils sont en chien, tous te parlent du bled, de la scène d'autopsie. Moi je rappe comme si beau Westside creeping comme les frères de Sacramento. Les rappeurs sont des chattes, les rappeurs sont des chattes. Devant Laurent Bounot, les jambes ils écartent. J'ai pas besoin de Sky, j'ai pas besoin de Major. Qu'une Fabulous gang poteau indépendant jusqu'à la mort. Les rappeurs sont des chattes, les rappeurs sont des chattes. Devant Laurent Bounot, les jambes ils écartent. J'ai pas besoin de Sky, j'ai pas besoin de Major. Qu'une Fabulous gang poteau indépendant jusqu'à la mort. Avant tout d'abord, un gros big up à mon négro Master P, j'te préfère à tout bac négro. C'est toi le boss de l'indépendance, roi de la nouvelle Orléans. C'est pas Lil Wayne, toi le chef, c'est murder, Yishagal. Big up mon négro Eazy-E et les bons gosses. Vous m'avez grave influencé Ray. Je suis pas mon négro Spice One, Brrpapai. Mon négro MC8, yeah. Above the law. Et je vais Californie du Nord, Sacramento. Quad 9, Cibo, G-Mac, Killa Tay, Brother Lynch. Et j'en passe cousin. Californie du Sud, San Diego. Quad 9, Michi Slick, Blues nigga. Et je vais dans Memphis, Tennessee. Dire bonjour à mes négros Tri-Six, C-Black, G-Boo, hein? Crunchy Rap, Quad 9, mon négro Tommy Wright, Skinny Pimp, Scarface, Al Capone. Et j'en passe, sans oublier pour moi le meilleur rappeur du monde, Scarface, et les Ghetto Boys, Bushwickville, Willie D, Quad 9, Tupac, t'es mon frère aussi. Retour en France, Lino, Oxmo, légendaire mafia Kevry, Iron et les frères Si motherfucker. Démocrate gay, les autres rappeurs qui sont dans l'underground aussi. Big up Seven, Zesso, 400 Yen, Youssouf de Redemption, légendaire 9-3, Kazé et Tondé, Yveline Trapu, Expression Direct, Escobar, Maxon, Safe You et tous les autres groupes qui font du sale. Respect. Et si t'es fâché que j'ai pas mentionné ton nom, cousin, je m'en bats les glaives tout simplement. Alpha 25, Pharmacie Ray, Gangsta. L'artisanat, façon de fa, martyrise ma peu ça et mes avant-bras. Y'a des mains sales partout comme dans la maternelle. Des menottes de babtou qui font la gueule. J'ai les mains crades, salopées d'un pur effet goudronné. M'a tout satin dégradé, déteint sur mes sapes, impossible à détacher. Attiré par les gros panels sur les trains, puisque la tire est narcotique. Donc peinture sur les mains et sur le plastique. L'odeur des vapeurs est fantastique. Gel, tic et chic, mais taché. Attaqué par ma technique au taquet. La tactique s'est choquée et chaque fois l'acrylique. Des gueules sur WAM, c'est fatidique. Ma gueule de bois est fatiguée par le fat qui m'a maquillé. Gentillé en caisse, les soirées en caisse pour plier un max de podé. Pour les petits rigoldos, case ou banana, c'est OP. Plus limite casé, un maximum de coulures calées. Et gars, garde tes points bien cachés dans tes poches. Puis si je te croise et que tu me tends la main, gaffe à ce que je tâche pas ton cardin. J'ai les mains sales, pleines de peinture. À cause des pompes à aérosol, j'en ai même sur la figure. Les mains sales, crado, et j'en fous plein les murs. Accro à la coulure depuis que je suis ado. Depuis longtemps j'ai les mains sales, pleines de peinture. À cause des pompes à aérosol, j'en ai même sur la figure. Quand je peins, ça me détend, mais ça déteint sur mes vêtements. Ça tient bien, putain, j'ai les mains sales depuis que j'ai 16 ans. Ouais, pourtant je suis pas un assassin. Non, j'ai pas laissé tremper mes mains dans un bain de sang. Mais j'ai trouvé un trésor dans la peinture chromée or. Comme un désir de désordre, un truc bizarre pour les autres. Et alors, je délire, j'ai des airs de teaser. Et je remplis des hectares de désert au marqueur. Au hasard, je résume, je fais des zooms à la plume. Big up aux partouzeurs qui baissent les trains de Saint-Lazare. Vision bizarre de l'art, une bombe et un squeezer. Sur un camtar, on perd la raison. Comme un juge qui préconise la prison. Pour un graphe en fly, tu prendras pas 10 ans pour un tag. Mais disons que la justice part en zigzag. En zigzag. J'ai les mains sales, pleines de peinture. À cause des bombes aérosols, j'en ai même sur la figure. Les mains sales, crado, et j'en fous plein les murs. Accro à la couleur depuis que je suis ado. J'ai les mains sales, pleines de peinture. À cause des bombes aérosols, j'en ai même sur la figure. Les mains sales, crado, et j'en fous plein les murs. Accro à la couleur depuis que je suis ado. Merde mec, j'ai omis de mettre mes gants. Résultat, j'ai les mains crades pour les filles, c'est peu élégant. Je leur réponds, ce n'est pas sale, ce n'est que de la créance. Je suis dans la créa, alors certes, les doigts ça m'irrite. Mais c'est pas ça qui m'arrête. Je suis ceux qui se lavent les mains au wet spirit. Et qui salissent la barrette quand il est frite. Et mes paumes, si je les frotte sur un mur, c'est sûr que je la prête. Vu la dose de peinture esthéticienne, lâche la faire la manucure. Sert à rien dans mon cas, car mon vernis à ongles, c'est ma Montana. À mon taf, il montané, pour que mes pains soient nettoyés. Pourtant, mes phalanges de grog sont imprégnés, mes mimines trahissent. Dans quelle couleur je peignais, quelle couleur saignée. Ma bebon dédaignée sur mon blouson. Puis bon, c'est pas comme si je me plaignais. J'ai les mains sales et j'assume mes actions. Vous êtes toujours avec nous, vous êtes toujours connectés. Vous êtes sur la radio, le 107.0. Vous êtes sur la radio qu'il vous faut. Vous êtes sur... La big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne. La quoi? Eh bah là ouais, la quoi? La big antenne, bien sûr, 107.0. Vous êtes toujours avec nous, les fragiles, vous êtes avec tout le monde, avec Johan de 88 Records, avec Lily de 88 Records aussi, on peut le dire. Vous êtes avec notre ami Cover One, lui qui roule sous l'écurie. Tu roules pour qui en fait, toi, Cover One? T'es un lone wolf ou... Je roule pour l'association Airplay. Ah, pour l'association Airplay. On aura, de toute façon, ce qu'il y a vraiment besoin, de présenter l'association Airplay que tout le monde connaît ici pour nos auditeurs, ou en tout cas l'association... tu peux nous en parler tout vite quand même, comme Erwan. Là, on ne lâche plus, hein, on l'arrête plus. Dès qu'il a ses feutres, c'est fini. Hein. Association à but culturel. À but culturel. Dans son sens le plus large du terme. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc voilà, vous faites... festival, spectacle, théâtre... Des événements... Graphes, tu vois... Des événements divers et variés, voilà. Effectivement, voilà. Et donc largement... Très hétéroclite. Quoi. Très hétéroclite, c'est joliment dit. Et avec nos chroniqueurs qui sont là aussi encore bien affairés, a priori. Alors, on a dit en tout cas qu'on avait des petites surprises pour vous. On se fout pas de vos gueules, messieurs, dames. Leur tourne. Et vous pouvez tenter de gagner, messieurs, dames, chers auditeurs, chères auditrices, si vous appelez au 03 29 62 40 40. Le 03 29 62 40 40. Parle pas pendant le numéro. Attends, redis le numéro, il a parlé. Toi, tu vas sortir, hein. On va faire appel à la sécurité. Il a parlé pendant le numéro, il faut redire le numéro, le clairement. 03 29 62 40 40. 40. Là. Il faut penser à le sampler, ça d'ailleurs, comme ça on sera quitte de le répéter. Ouais, nota bene. Donc vous appelez à ce numéro, vous pouvez tenter de repartir avec. Au choix. Alors, on annonce les enchères ici. Qui offre quoi? Ici à ma droite, on m'annonce un CD, un EP du fond du crew. Un poster dédicacé. Comment ça? De quoi? Oh, les enchères montent. Un poster du fond du crew réalisé par Francis Lacouen et surcustomisé, tu veux dire, par Cover One. Oh la vache, oh my gosh. Là, ça commence à valoir du pognon. Quelle chance. Je customise une affiche du fond du crew, si vous voulez. Affiche du fond du crew customisée. Lily, t'offres quoi? Un petit freestyle, genre. Voilà. Un petit freestyle. Yohan, t'offres quoi, toi? On va dire un t-shirt du label. Un t-shirt du label. Alors, la question... On va pas non plus tout donner. On n'est pas des enfoirés. Hein, on n'a pas les moyens d'être ça. Alors, il y a juste une petite question à répondre, messieurs, dames. si vous êtes capable de nous citer au moins deux artistes du label de 88 Records que notre ami Yohan a proposé, a présenté depuis le début de l'émission. Celui qui est capable de me citer deux artistes du label de 88 Records nous passe un coup de fil. On est au 03 29 62 40 40. On a un scud à gagner, on a un t-shirt à gagner, une affiche dédicacée, customisée. N'hésitez pas à appeler, ça se passe au 03 29 62 40 40. Citez-nous deux artistes qui roulent pour la compagnie 88 Records. Et à vous ce merveilleux cadeau, on vous l'amène directement, ou alors éventuellement on vous l'envoie par la poste, c'est envisageable. J'ai le droit de répondre aussi. Toi t'as surtout droit tu fermer ta gueule. Ouais, ça c'était écrit dans plus ou moins en gros, mais en tout cas voililà, n'hésitez pas à nous contacter. 03 29 62 40 40. Il semblerait que là le retour le temps passe, hein, n'est-ce pas? Beaucoup de choses ont changé, effectivement. On peut peut-être envisager de se mettre un petit freestyle. Oui. Hein, on peut faire ça, il commence à faire chaud, il fait bon ici. Je vais me déshabiller un peu, je vais me mettre à poil et puis on est parti. À l'aise. Est-ce que Lily elle est motivé pour Il y a le téléphone qui sonne. Oh my gosh. On a le téléphone qui sonne. Alors attends. En direct. C'était pas une blague en fait. Parce que là c'est un bon. Bonjour. Alors on a quelqu'un au bout du fil. Bonjour. On m'entend. Bonjour. Alors est-ce que vous nous entendez? Est-ce qu'on vous entend la radio là? On entend. Vous m'entendez? Ouais, on vous entend. Coucou Coralie. Normalement là c'est bon. Ah voilà, bah c'est les aléas du direct. C'est bon, vous m'entendez? On vous entend Coralie, on vous entend. Alléluia, alléluia. Alors Coralie, vous nous appelez nous. C'est parfait. Alors je peux vous donner tous les artistes du label de 88 Records. Wikipédia ça compte pas. Oh my gosh, vous vous engagez Coralie, attention hein. Juste une petite. Ah bah vous pouvez, y a pas de souci. Une petite seconde, si tu dis tous les artistes, tu remportes une place de concert en plus. Alors là, ça commence à sentir le financement derrière quand même. Alors vas-y Coralie, on t'écoute. Alors si tu connais au moins deux artistes, voire plus, du label 88 Records, à toi. On a Miss Lily. Oh yes, spéciale dédicace, on dirait que ça c'est validé. Quelqu'un qui te connaît. Ouais, ça c'est, on croit. On est d'accord. On a Lily, on a Célio Géléon, on a Vix Point Rouge. Ouais. Validé, ouais. Attendez, parce que c'est mes trois préférés, alors. Ah bah voilà. Je dans l'air. Maintenant, on sait pour qui ton cœur balance, hein, Coralie. Bah oui, je les adore, mais après, les autres. Pardon, Yohan, j'ai pas les mots, j'ai plus les noms en c'est tête. C'est l'émotion, ça. C'est l'émotion. On a pareil depuis le début de l'émotion, on est submergé d'émotion, tu sais. T'as oublié Jamben. C'est la même chose. Voilà, Jamben, mais oui. L'américain, mais je sais plus son nom. Non, il est pas américain, mais j'en ai signé deux, des internationaux. Tupac. T'as signé les internationaux. C'est pas un américain, le black? Non. Il est sud-africain. Non, mais pardon. Il est sud-africain. Allez, le premier, il s'appelle Trey. C'est pas très bon. Qui est blanc, par exemple. Oh. Et il y a le deuxième, c'est en trois lettres aussi. T'as le temps de te connecter sur la page 88 Records, de liker, d'inviter tous tes amis à liker. Là, je peux pas, je suis dans la voiture, je vous écoutais dans la voiture, je rentre du boulot. Attends, tu veux dire que t'es en train de nous. T'as un kit main libre, j'espère, Coralie? Oui, bien sûr. T'es agressif, je trouve, Big. Vous pouvez demander à Lily, j'ai tout, j'ai le Bluetooth, j'ai tout ce qu'il faut. Ah bah ça va alors, ça nous rassure, Coralie, ça nous rassure. En tout cas, on dirait que tu as gagné effectivement une place de concert, tu as gagné un t-shirt de 88 Records, un CD du fond un EP du fond du crew et une affiche customisée du fond du crew aussi. Et peut-être une part de tarte aux pommes. Lourd. Ouais, mais avant, il faut que tu cries, quelle est ta radio préférée? Ma radio préférée, c'est la radio Gamozo. Oh, bravo. Ouais, bien joué. C'est la radio qu'il te faut, hein. C'est la radio qu'il te faut, fais écouter ça à toutes tes copines, tous tes copains, à toute ta famille surtout. Si t'as des grands-parents, fais écouter Radio Gamozo, c'est important. C'est important qu'ils le sachent. D'accord. Et en tout cas, ça fait super plaisir de t'avoir eu au téléphone, Coralie. Merci Coralie. Peut-être que tu connais certains artistes personnellement ici. Oui. Peut-être que tu connais qui? Allez, moi je parierais que tu connais Miss Lily apparemment. Exactement. Non? Ah oui, ça veut du clash dans les parages. Ah, ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Ah, j'ai entendu rire. Ça fait plaisir. Eh ben écoute, on passera par Miss Lily pour te faire parvenir ton lot gagnant en tout cas, Coralie. Oh, franchement, merci. Merci beaucoup. Et merci, Johan. De rien, ça fait plaisir. Merci de ton soutien. Tu raccroches surtout pas, Coralie. Tu raccroches surtout pas. Sinon, on kidnappe tous tes parents. tu restes en ligne parce que voilà, il faut que tu vois un peu, tu vois, l'adresse, tout ça. Tu vois, c'est un peu chaud. Tu comprends toi-même. Donc, on te laisse avec notre femme de l'ombre pour les détails techniques et avec nos avocats, Coralie. Les détails à régler. En tout cas, gros merci. Un gros merci, gros big up à toi. Tu veux passer une petite dédicace avant de raccrocher, Coralie ? Oui, pardon ? Tu veux passer une petite dédicace ? Je passe une dédicace à... Si c'est Lou Géléon et Vix m'écoutent, je leur fais une dédicace. Bah, tous ceux du label aussi. Ouais. Yes. Je fais une dédicace à tous mes proches. Et puis, j'ai envie de dire à ma sœur que je l'aime beaucoup. Oh, ça fait chaud au cœur. Franchement... Ça fait chaud au cœur, c'est ça la big antenne, c'est des beaux sentiments, on dit beaucoup de méchanceté, mais on sait reconnaître en tout cas quand il y a des belles choses qui arrivent. C'est important, c'est une belle leçon. Merci beaucoup à toi Coralie en tout cas, reste connecté sur le 107.0, tu nous retrouves dans un mois, à la même heure, même fréquence, et stay the same. Bisous à toi Coralie, et on reste connecté sur le 107.0, à tout vite. Il n'y a pas de soucis, à tout hop, on reprend, oh là là, que d'émotions, messieurs dames, vous êtes toujours sur le plateau de la big antenne. Et c'est effectivement, magnifique. Vous avez vu, on se fout pas de votre gueule, effectivement, notre chère auditrice Coralie vient donc de repartir avec un sacré lot gagnant. Des beaux cadeaux, hein. C'est comme, comme une tombola, mais en mieux, vous voyez. Donc on reste connecté et on va se faire une petite interlude musicale avec toutes ces émotions. Ce serait presque l'heure du freestyle. On s'est monté le niveau là. Est-ce que Drex, t'as pas une petite production de la Drexerie qui traînerait sur toi par exemple ? T'aurais pas pu me prévenir avant peut-être, Big V ? T'inquiète, sur la clé doit y avoir, ouais, je viens te rejoindre. Direct. Viens voir mon frère directement un peu ce qui se passe là dans les fours. En attendant, est-ce que Lily, est-ce que t'as pas une petite prod à faire tourner aussi ? Non, on va se faire un. C'est sans filet, hein, c'est sans filet. Pendant que notre ami Seb Cover One est en train de s'affairer à son dessin, à son beau dessin. Donc là, c'est quoi ton actu en ce moment, toi ? Donc on rappelle que notre ami Seb, lui, il a l'habitude de graffer. T'as eu pas mal de projets, effectivement, de graphes, de fresques diverses et variées. T'as eu l'occasion, donc comme tu disais, de rouler, enfin toi tu fais des trucs avec l'association Airplay, ouais. Et donc tu as eu l'occasion de faire des fresques, de faire des projets, ouais, tu peux nous en parler un peu dans le coin, quoi. Tu veux qu'on parle de quoi ? De ce que j'ai fait ou de ce que je vais faire ? de tes projets, donc toi t'as fait des projets aussi un peu à destination du jeune public, t'as eu l'occasion d'intervenir, de faire des ateliers. Oui, j'interviens dans des écoles, j'interviens pour des mairies, j'interviens pour des privés, j'interviens pour tous ceux qui veulent un peu de couleur sur leur mur en fait. Là on a un petit projet avec l'association justement, hein, MC Connexion, on peut en parler. Hein. Oui, on sera certainement à Saint-Amé le 15 juin. On est encore dans les papiers, tout n'est encore pas fixé, mais on est dans les papiers. Et voilà, on serait sur Saint-Amé le 15 juin au skatepark. Donc, on vous attend nombreux. Quoi. Voilà, en tout cas, voilà, c'est une belle chose de faire des projets semblables avec des jeunes. Toi, est-ce que là, on est parti pour parler de sentiments et de tarte aux pommes. Allez, c'est parti. En attendant, ça serait. Est-ce que tu dirais que t'as, entre guillemets, est-ce que ça pourrait avoir une vocation éducative, entre guillemets, le graphe c'est une question qu'on peut croiser peut-être. Je dirais même le hip-hop, hein, dans le sens le plus large du terme. Hein. C'est l'expression écriture, le son, la musique, la danse, le graffiti, c'est vraiment un ensemble, quoi. C'est un ensemble. On peut faire travailler les jeunes sur l'écriture, ceux qui n'aiment pas trop l'orthographe, la grammaire, le français. Hein. On peut arriver à les faire écrire. On arrive à les faire bouger en dansant. On arrive à leur faire créer l'imagination, disons, avec le dessin. Puis après, la musique, c'est encore un autre domaine, mais ouais. La création est toujours là, quoi. Le but, c'est de créer, quoi. Le but, c'est la création. Toi, Lily, ton opinion sur la question, est-ce que pour toi, le fait de faire du rap, ça peut avoir une vocation éducative, entre guillemets, c'est peut-être un peu exagéré comme question, mais... Bah c'est forcément un peu dans l'écriture et tout, forcément on apprend. On apprend et est-ce que c'est important pour toi quand t'écris voilà, de vouloir transmettre quelque chose ou c'est quoi toi ton processus d'écriture Je cherche un thème, enfin en général ça me vient tout seul, hein, mais je cherche un thème et puis je commence à écrire, j'essaye de faire passer mon message. Et, Voilà, donc faire passer un message, ouais. C'est un peu ce qui rejoint ce que tu disais, Seb. Ouais. Toi, Johan, ton avis sur la question, est-ce que le hip-hop se doit d'avoir d'être un média éducatif, entre guillemets, ou... Ouais, clairement, ouais, ça apporte plusieurs outils de tout ce qui est création, tout ce qui est expression, tout ce qui est, ouais, c'est vraiment un large panel qui, ouais, franchement, ouais, c'est un truc éducatif, tout ce que tu... Ah, mais c'est beau, c'est beau, c'est la beau. La preuve autour de la table. Grave, c'est ça. c'est beau, en tout cas, ce qu'on dit, c'est un beau message d'espoir. Non, mais moi, je te rejoins totalement sur la question, on pourrait parler d'éducation populaire pendant des heures, on aura l'occasion peut-être d'y revenir par la suite, hein, mais... Une émission complète consacrée avec la méthode Condorcet, en passant par Lavoisier et autres, donc on aura l'occasion de refaire une émission spécialement sur l'éducation populaire, mais oui, le hip-hop, la culture hip-hop... je pense qu'on est peut-être, si on est réunis autour de cette table, c'est peut-être une question effectivement auquel on a réfléchi, c'est que peut-être la culture hip-hop se doit effectivement de transmettre quelque chose, de transmettre un message et de pas faire... Exactement, ouais. Ça fait des conneries dans les backstage, là, enfin, derrière en cabine. Voilà, on essaye de parler sérieusement et puis c'est pas la peine, voilà, tu vois. Parlons. Non, mais au bout d'un moment, j'ai envie de le dire. Mais c'est la merde, tu vois, Drex. J'ai envie de te dire au bout d'un moment, mon petit Drex. Parlons sérieusement. D'accord. C'est parce qu'il y a un fondu que ça fout la merde, en fait. Parlons sérieusement. Nickel. Voilà, c'est important de remettre les pendules à l'heure et de parler sérieusement. Non, mais on dit de la merde, on dit des conneries, mais effectivement, c'est quelque chose qui nous aime tous, c'est de transmettre un message aussi, de pas faire de la musique, pas faire de l'art, entre guillemets, juste pour de l'art, mais peut-être transmettre quelque chose derrière. On est d'accord. Il commence à faire un peu chaud, hein, dans le studio là. Vos freestyle. Là, je pense que là, ça commence à chauffer un peu. La température va monter. On va monter 2-3 degrés dans la température. Lily, ouais, tranquille. Je sais, ça, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de collègues féminines. Heureusement qu'on a Lia qui est. Ouais, elle est en stage, mais elle se démerde à peu près bien. Heureusement que Lia assure la régie technique ce soir. On va balancer la prod, mon petit Drex, mais voilà. Surtout, calmez-vous, on est là, ça va bien se passer. Qui est-ce qui a envie d'attaquer là? Moi j'ai l'impression que Lily elle est déterminée. Je sais quoi, ça. J'ai une interlude moi. Oh, qu'est-ce que t'as à dire là? Oh. Ça fait ? Bah, je peux lancer le truc. Vas-y. Cimer, faux départ. Attends. Tu peux remettre la prod depuis le début ? Oh, on va faire un pull up. Oh, don't be afraid. On va juste pull upper. Ça arrive, hein, c'est du direct, hein, c'est sans filet. Ça, c'est sans filet, donc effectivement, attends, exact. Un petit souci technique. Attention, t'es parti, Drex, t'es chaud, Lily, vous êtes chaud. Allez, pour nos auditeurs des Glingos, c'est parti. Pourquoi c'est toujours mon dernier spliff qui part en carotte? Pourquoi celui-là je le fume d'une traite alors que les autres je les laisse traîner? Toujours envie d'une calotte, finis souvent par un coup de patte. C'est seulement quand la descente apporte mon corps que je me sens coupable. Futur redoutable, je rêve juste de doux sable. Loin de ce monde qui est sale, la honte qui m'étale. L'humain perd sa chaleur pour gagner la froideur du métal. L'étal veut, mon gars l'étale. Get cette dictacratie fabrique des esclaves. Les gens gueulent, les CRS les laissent aveugles. Arme de défense mais on s'en sert pour attaquer. Viens, t'auras des bonnes raisons de taper taquer. T'as désobéi, petite merde, dans ton cul. L'injustice t'insère ses tentacules. Un poil de contrôle mental dans l'oignon. Diantre, le venin entre, t'inquiète pas trop, ils prennent soin de toi, mon agneau. Eh, hey, Big V. T'es où, Big V? C'est mon fumeur ici. Ou Lily, hein. Ça rime. Big V, Lily, c'est la même. Ouais. Je vais pas te dire que je suis heureux, je vais pas te dire que je suis pas bien. Soir encore, j'ai pas le moral, j'ai besoin d'une bouffée d'air. Tous mes potes se font la malle, je rame seul dans ma galère. On m'amènera cette frégate, faire un archipel grégaire. À force de broyer du noir, j'en délaisserai mes vrais frères. Une part sombre amputée, en chirurgien je l'opère. La moins chère des thérapies, ah mais sûrement la plus austère. Se débat dans ses écrits, les poseries de ma grammaire. J'aspire à l'anthologie, mais je recrache des fumées noires. Comme les vols d'un concile, évangéliste missionnaire ou satanique prosélyte. J'ai le cul entre deux chaises, la souffrance un cénobite. Dis-moi qui crachera mes paix, qui goûtera mes cicatrices. Un penchant pour les répasses, mon impétence pour les risques. J'suis bloqué dans ce marasme, mes structures, mes octolithes. À force de son dégueulasse, j'en perds tout esprit critique. Ouais. J'en perds tout esprit critique. Ouais. Jérém, je sens que Jérém il est chaud à la charge. Ok. Lily. Ouais, c'est vrai qu'elle a besoin d'un casque. Ouais, c'est vrai que ça. Ah, t'inquiète, Big V. Ah, là, c'est mieux, gars. Tu viens de faire un truc, là, tout d'un coup, c'est bien, là. On finira par donner la tendance. En attendant, on dit ce qu'on pense. Et les suppos de sa tendance, t'es v'lant trans. Le fond du crew du fond de la France débarque et tout prend sens. Même si une merde est sans défense, face aux habitués des sans défonce, t'envoie valser dans les ronces. Je m'en branle, ça me fait rire. J'ai besoin de ma drogue pour écrire. Viens pas taper dans ma con. Si je kiffe pas mes sourcils de fronce, si je kiffe pas Rémi différemment, j'aime la mettre illégalement. Fuck médicaments, j'ai du pilon qu'à manger. Je sais pas comment ni pourquoi. Tu sais pas non plus, il sait pas non plus. Mais putain, qu'est-ce qu'on fout là? Ferme ta gueule avec tes questions. Ouais, t'as raison, nique sa merde. De façon, je suis trop con pour comprendre. Tu bon. Même si j'ai une haine constante. Certes, à quoi bon stand? À quoi bon faire la gueule au lieu d'être content? À quoi bon se ruiner la vie au lieu de passer du bon temps? À quoi bon faire chier le monde avec tes conneries bon sang? À quoi bon Big V, putain? Qu'est-ce t'as à dire là-dessus? Y'a plus rien à dire, Drex, hein, y'a plus rien à dire, hein. Vas-y, change de prod, je pense qu'on a encore des trucs à dire. T'as d'autres choses à dire peut-être, Drex? Ouais. Et toi, t'as plus rien à dire, gars? Je sais pas, moi je pense que moi je devrais prendre de l'altitude. Tu sais, j'ai besoin d'élévation. Faut que j'affronte en toute quiétude les plus vils de mes démons. Vas-y, commence, mec. Ouais. Non, tu sais, Drex, toutes les villes ont cette semblable. La froideur, leur monument. Que mes pieds soient charitables, qu'ils me tiennent en mouvement. Tout se repaie de dessous table, l'église place sous les parements. À genoux face à l'autel, nous sommes seuls dans le dénouement. On rêve tous de septième ciel, d'un abat seul envoûtant. Nous promettons et merveilles, mais l'on reste indigent. Il y a des runes et des ruines, toutes souillées de traces d'urine. Semblerait que les rues riment de leurs trotteurs chargés d'âme. Impression que l'on puisse entendre le doux chant du macadam. Persistant retour de flamme, car ce cesse comme un brame. Les poètes contentiques, les ascètes gravés cantiques. Tout au cœur d'un hémistique, tous acteurs au temps tragique. Horizon d'un gladiateur, horizon pâle de labeur. On vous livre des apocryphes, fin des chives, un hiéroglyphe. Vous choquez comme ce poncif, c'est notre unique motif. Je suis bloqué dans la matrice, ça se présente sous de bons auspices. Pour reprendre sous ces pages vides, j'ai le sens du sacrifice. J'ai jeté mon dévolu sur les mots que je mets à nu. Tout chez moi, j'ai pas d'instru. J'alambique des mots crus. Sur ma feuille, je vis reclus. Yeah. Je fais des rêves en traumatiser les démons. Naviguant dans le cœur de la douleur, c'est gerbant. Quand je me réveille, je mets un temps pour me dire c'est bon. La vie manque d'ampleur, je vois un couleur sous jour beau. Je suis sage que quand je dors et encore. Poula, lili dans la place, in the place. Check ça. Eh hey, mais. Ah. Pourquoi Smoka nous lâcherait pas un petit freestyle vite fait? Parce que Lily elle va huster ça. Smoka il est pas là ce soir. Allez. Ah, tu veux une autre prod peut-être? Celle-là. Tu veux une autre prod? Non, normal, hein. C'est freestyle, hein. C'est sans filet ce soir, messieurs, dames. C'est sans filet. Attention, check ça. On est là pour se faire du sale, hein, de toute façon, tout simplement. C'est la big antenne. Lily, t'es prêt à huster ça tranquillement? T'es prêt à casser la prod? Oui, ça va aller. Oh, ça va y aller tranquillement. Allez, c'est pour toi. T'as 1 minute 20. Lâche-toi. Ok. Encore une de ces jeunes immatures, tout niqué c'est ma nature. Je raconte ma vie, on raturera à clure, t'as cherché. Tu payes les factures, pars avec des fractures, fallait pas jouer les acteurs, man. Ici 7h10, je te parle de shit et drogue dure. Tu te retrouves sur la bordure. Fallait pas tester mes équipiers par terre. Tu vas te retrouver 6 pieds. Au pire des cas, on fait divers. Je te noierai dans ma propre rivière, c'est vert. Sera ta sanction pour ta putain de prétention. À vos marques, prêt, attention. La famille est sous tension. Tu remets même pas la pension. On repart avec des pansements. La bombe, voilà le lancement. L-I-L-Y, y'a nouvelle école. Tu veux tester, mais tu déconnes. Et je te traîne dans l'œil du cyclone. Tu vas subir mon cyclone. Balèze et mon flow. Mon rap n'a pas de défaut. Dans le rap, y'a trop de faux, de fils de pute qui jouent les fous. Moi, je serai jamais au garde à vous. À vous, j'ai tellement la rime qui tue que le rap veut me garder à vie. À ton avis, qui veut me test. À ton avis, qui me déteste. T'es, t'es taré, je te séquestre. C'est L-I-L-Y dans ma bouche, un bulldozer. Grave ça sur CDR. Au micro, je suis trop vénère. L'instru, je la baisse pépère. Ça, c'est pour mon terre-terre. Trop d'art. 2019, toujours en jean basket. Quand mon album sera dans les bacs, je te jure, mon frère, ce sera horrible. On risque de tout péter. J'écris mes rimes. Péter, tu sais ce que c'est. La street, donc ferme ta gueule à l'avenir. Car l'avenir, c'est nous le hardcore. C'est nous le flow. C'est nous, flingueur d'MC. C'est nous. Ce que tu viens de nous mettre là. C'était trop proprement mis. Proprement mis, merci Lily, t'es chaud encore. On leur fait un peu un petit dernier et attends. J'entends pas trop l'instru en fait. T'entends pas l'instru, oh là là là, ouais, c'est tragique. Le même souci. On va réessayer peut-être avec celle-là, peut-être que ça vous inspirera plus. Merde. What the fuck, j'en ai marre de chercher des raisons. De toute façon je n'ai plus de réseau. Je remettais des rases avant de passer des os. Je bouge pas assez, je fais que tasser mes os. Me mets des races, rapper des faces, faisais des faces. J'arrête les tasses, crois t'es mal état, éloigne ça de moi. Du coup je fais quoi, je bois la place. Y'a pas de trésor que des insectes. Taré comme Trevor en plus infect. Ma colère je les sors, écrit fort au studio auprès des membres de ma secte. Vos petites manières de société me débectent. Vous découteriez même Philippe Etchebest. Tu te demandes qu'est-ce qu'on prend, on prépare juste le best. Et t'es sec, mieux que sec quand on sexe. Bam. Tous les jours un peu plus vrillé, je vis au fond d'un putain de monde. Imaginerais-je crier au fond de manette, tu croyais que tu me voyais. Non, je ne dévoile jamais si facilement. Je me méfie de la plupart des gens. La plupart des gens, c'est le diable. La plupart me font péter un câble. La plupart, c'est eux, mais c'est nous, vu de l'oreille. La plupart, c'est les autres, c'est les fils de pute. C'est chaud. Semblerait que j'ai encore peint. Par pitié, ramène la carte et les clés de la cave à vin. Je sais bien que je suis bonne patte, mais ne joue pas le coq en vain. Ça non. Peut vite finir en drame si je n'ai pas le ventre plein. Appétit gargantuès, dernière scène qui n'a pas de fin. Va prévenir toute ta brigade qu'on rappelle tous les commis. Car à toi, petit marmiton, dans l'assiette, je veux pas de conneries. Je n'aurai jamais les deniers pour cette grande gastronomie. Pas d'ardoise et pas de douceur, ce sera le bol des calories. Une grande bouffe des plus macabres, à ma table, je ferai rire. Y aura pas de Cyril Lignac, mais plutôt genre Mannequin Pix, le cuisinier. Titanesque, terrassé par Obélix. Si jamais je couette en terrasse, je te fais pas de belle vitrine. Voir ma pente de dégueulasse, y'a plus vendeur comme délire. J'attends donc la P-Hour pour venir faire les invendus. Je connais pas tout ton stock, décongèle moi le périmé. Sur ma table, un seul mot d'ordre, je veux tout en quantité. Yeah. J'appelle même pas ça durable, j'appelle ça continuité. Un repas sans mal au ventre, c'est bien pire qu'un panaché. Pas question de faire semblant si tu ne m'as pas rassasié. Un repas sans mal au ventre, c'est bien pire qu'un panaché. Pas question de faire semblant si tu ne m'as pas rassasié. Yeah. J'ai de rester calme, sauf des fois quand je suis béni. Sinon, je suis dans le déni. Je m'oublie et je tisse très vite. 21, tja, c'est nul vie. Penny, pas d'orga, pas délice de respire. Du vrai kiff très clean, crame organe. J'ai un clone hystérique. Je mets fin cône, tu fistérique. Je m'envole haut à toute vitesse et je m'en branle même si la prod elle est finie. Ah bah c'est freestyle, on vous avait prévenu. Hein. C'est vraiment ce qu'on dirait. Ce qui pourrait se rapprocher plus de. Ils font du quoi ? La big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, c'est la big antenne, c'est la big antenne. Eh ouais, les petits loulous, vous êtes toujours sur le 107.0, vous êtes toujours avec nous sur le www.radiogamozo.eu. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. On a encore le temps, on va pas raccrocher tout de suite les ballons quand même. On a encore le temps. On va peut-être faire un petit peu les dédicaces quand même, éventuellement. Vous êtes des bons enfants, vous êtes des bons jeunes, vous avez peut-être des parents, tout ça, je sais pas. Pas tout ce que les reprises de justice, enfin, je sais pas. Est-ce que vous avez des petites dédicaces ou non, il n'y a que de la haine qui anime vos cœurs meurtris. Drex, il veut pas faire de dédicaces, Drex. Il préfère manger du chorizo fort. Voilà. Cover One qui est en train de s'affairer là tranquillement encore là, bah, c'est-à-dire qu'il nous a vraiment pondu une multitude de designs là, et à peu près une cinquantaine de designs, la big antenne. Et moi, ce que je propose éventuellement, c'est qu'on puisse pourquoi pas faire voter aussi les les auditeurs, les auditrices de l'émission. Et à la rigueur, celui le logo qui recevra le plus de votes deviendra le logo officiel de l'émission. Eh ben ouais, au bout d'un moment, Drex. Sérieusement. D'accord. Sérieusement. Au bout d'un moment, ça c'est important. Faut que je fasse un jiggle, tu vas pas me chier sur les couilles. Quoi. On peut envisager ça aussi, effectivement. On peut envisager ça aussi. De toute façon, ça, c'est 80% de la réussite de l'émission, les jingles. On en a pas eu assez ce soir. Bah, c'est un peu laborieux, hein. De toute façon on est des intermittents du spectacle, hein. Ouais, des petites dédicaces, Lily, t'as des dédicaces à faire, Lily de Déodacy, donc toi tu nous viens de Saint-Dié, hein. Je crois que t'étais d'Épinal, mais non. De Saint-Dié, des dédicaces à faire du côté de Saint-Dié. Je vais faire une dédicace à ma mère qui doit sûrement être en train de m'écouter. Ah, ça là tu mets deux points là déjà. À mes frères et sœurs qui seront sûrement avec. Quatre points. Et à mon homme aussi. Ça fait 6 points au total, c'est beau ça. Ah, voilà, ça c'est un beau message d'espoir. Cover One, t'as des petites dédicaces à faire toi ce soir? Avec tout ce qui nous a pondu comme logo, mon dieu. Moi je passerai une petite dédicace à mes graffeurs de la 88 Connex, quoi. Ah, c'est pas mal aussi. Pour parler graphe, non mais c'est joli aussi. Le beau, il a des dédicaces à faire? Zandvoort Taberales. Ah ouais, non, mais ça, c'est, je suis assez d'accord. C'est légitime. C'est de la Zandvoort Taberales. Facho. Ouais, c'est de la musique de facho. Ouais, bah oui, il y a de la batterie et de la guitare, non, donc ouais, forcément. C'est compliqué. Non, mais oui, je suis bien d'accord. Yohan, il a des petites dédicaces à faire lui aussi? Ouais, dédicace à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui nous soutiennent pas parce qu'ils nous donnent aussi la force de continuer. Ouais, exactement. Ça, c'est important. Ça, c'est vrai. Surtout ceux qui nous emmerdent. Ouais, c'est nique les rageux, frère. Et aussi, un petit big up au bar chez Nanine à Épinal qui accueilleront Solu Géléon le 29 mai pour la sortie de l'EP multicolore. Justement, on va fêter ça là-haut le 29 mai chez Nanine à Épinal. Chez Nanine. Voilà. 29 mai, eh ben, on se donnera tous rendez-vous là-bas alors. Chez Janine. Voilà. Chez Nanine. Nanine. Big up à chez Jeanne. Chez Nanine. Non, bah arrêtez. Nanine à Épinal. Soyons sérieux, un minimum. Bah moi je passe un petit dédicace aussi, hein, parce que c'est notre émission donc je vous emmerde, moi je fais ce que je veux, hein. De toute façon, si je voulais faire 2 heures de dédicace je les ferais, hein, c'est pas le problème. Je fais une petite dédicace quand même à mon papa, à ma maman, parce que je suis un bon fils, à mes deux petits frères aussi parce que je suis un bon grand frère et je les aime bien, à ma chérie aussi. Moi je fais même une petite dédicace à mes petits vieux de la maison de retraite de Busson, gros big up à mes vieux Scarla de Busson. exactement. Écoute, voilà, on écoute de la musique de sauvage, mais bon, on peut avoir du cœur aussi parfois. On peut avoir du cœur parfois, et c'est le message de la big antenne ce soir, aujourd'hui, messieurs, dames. C'est pourquoi nous sommes réunis ici ce soir. Il y a moyen de lâcher un petit dernier son là, vu les 3 minutes qui restent. Toi, t'es un vrai fonctionnaire. Ah, mais pas, c'est 3 minutes, c'est 3 minutes, hein, c'est pas 3 minutes 20. Le gars, il est assez réglé comme du papier à lettres. Hein, c'est pire qu'à la poste, le mec, feignasse. Bah. Ah, je parlais pas d'un. Foutrais, mais tu m'étonnes que les jeunes ils y trouvent pas. Je parlais pas d'un freestyle. Avec une mentalité de merde comme ça, Drex, t'as tout compris. Un petit c'est quoi le délire? On a ça en stock, non? Oh bah écoute, on devrait peut-être trouver un petit son. Ouais, on peut se mettre ça, ouais. Ah bah ouais. Ah mais attends, on avait pas la petite. Attends, c'est le bordel, mais là, de toute façon, on a le temps. On va se mettre un petit morceau. Dre, John, là, t'es assis avec nous. Il freestyle même pas en plus. Et en plus, il freestyle pas. Ça, c'est du gâchis. Un freestyle de John, s'il vous plaît. T'as pas entendu, mec? Un gros freestyle de John. Je t'ai zappé, John. Il est toujours chaud et toujours. Bon, et toujours là. Un freestyle. Un putain de freestyle et John, j'ai fait mon casque. Intro pour lui. Putain, j'ai pas l'instant de défoncer, c'est dommage. Attends, il y a le micro sur le casque, il y a le casque sur le micro. Un petit morceau. Johan, t'avais encore des trucs à présenter, toi? Ouais, comme vous voulez. Hein. Ah bah, qu'est-ce que t'as présenté? Nous, on va se mettre. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux nous mettre, mon petit Mick? On va se mettre un morceau, nous, du EP du fond du crew, tranquillement. Vas-y, et puis, qu'est-ce que tu nous proposes, toi, parmi tes rookies, Johan? Genre un dernier petit son qui s'appelle J'arrête, de Jamben. Jamben, alors c'est un gars de chez toi aussi, ça, Jamben? Ouais, c'est un gars de chez moi, mon premier artiste, d'ailleurs. Ok, Jump Ben, alors donc avec un morceau je m'arrête, c'est ça? J'arrête, en espérant que ça soit pas définitif, effectivement. Mais voilà, on va vous laisser tranquillement en musique, en tout cas, messieurs, dames. C'était un plaisir chaleureux et toujours partagé de passer un moment en votre compagnie. Merci à tous, merci à tous. Sur la bio. Vous étiez toujours bien évidemment sur la Big Antenne, bien sûr. La Big Antenne. On se retrouve le mois prochain, bande de baltringues. Dans un mois, on se retrouve, vous restez connectés. Comment ça, c'est pas fini? Mais c'est jamais fini. C'est déjà fini. Bah, les choses étant ainsi. Hein, les choses et tu balances quoi? C'est quoi le délire? Et puis Jamben? Exactement, on va vous laisser avec un petit son du fond du crew. Et de péter. On va faire péter et Jamben de 88 Records. On vous laisse, on vous dit à dans un mois à tous, chers auditeurs, chères auditrices. On reste connectés. Vous étiez sur le 107.0 www.radiogamezo.eu. Attention, transition musicale. On revient très bientôt et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous êtes sur la Big Antenne. La Big Antenne. C'est quoi ce bordel? Fond du crew, c'est quoi le délire? Miax Big V. 19 ma gueule. Big V. C'est quoi le délire? Hein? C'est quoi le délire? À quoi bon rapper sa propre vie? Fallait que ça sorte comme le premier feat avec Louis. Parfois je lève le doigt, d'autres fois c'est juste pour le quiche. Fume trop, je flotte face aux jolies filles. Je panique, je zozote comme un con. J'ai déjà niqué des meufs sans capote. Bon qu'à muser la tête sans mon coup de bancaire. Le roi des faux plans, serrer le cul, serrer la Toussaint. C'est pas suffisant, il nous manque, c'est évident. Avec ou sans lubrifiant, il nous baisse, nous sous le sang. Vampire du gouvernement, c'est quoi le délire? Les bleus et leurs abus de pouvoir. Tu bouffes du caviar, une arène dans ses placards. Le taf nous rend malade, en plus de ça on se tue au bar. Les femmes de plus en plus banales, aux têtes ça pue des noirs. Bande de bâtards, je veux vous ramper loin de ces connards. Hey. Du publié en 4, c'est toujours la même histoire. J'écris des rimes en vrac, tous les jours je fume des pétards. Le fond du coup débarque, le team matching te braque. Merde le premier acte, même effet que ta première latte. Parfois, comme Drake je craque, surtout quand j'ai pas de bad. Casse-toi, veux pas mettre du sel dans mon plat, pas de pasta. Sous nos gueules salées j'y perds, j'ai peur que de mon père. JSP sous terre, barre-toi. Le cœur revolver, c'est quoi le délire? Barre-toi. Le cœur revolver, c'est quoi le délire? Barre-toi. Le cœur revolver, c'est quoi le délire? Barre-toi. Le cœur revolver, c'est quoi le délire? Ma voix n'est plus très claire, que mes mots deviennent trop rauques. Je me barre en un éclair et j'emmerde vos faux apôtres. Votre monde est un grand cimetière, si je déprime à qui la faute? Je veux bien payer pour mes vices, mais jamais pour ceux des autres. Toutes les feuilles que je croise, à chaque fois me laisse perplexe. Je n'écoute pas toutes vos conneries, donc ne vais pas chanter la messe. Tu caresses sur ce que t'écris, va falloir que tu progresses. Pour moi c'est une thérapie, un milieu de vos histoires fesses. C'est pas le beat que je veux détruire, c'est plutôt votre allégresse. Je suis hors temps, j'en suis ravi, décalé sans tendresse. Gueule cassée comme Ribéry, tape le foie, c'est ma faiblesse. C'est du rap de colonie, comme écrit à tout vitesse. Faire le planning de sa vie, anti-lo et alcotest. Peut faire vous dire des conneries que vous jouez de la trompette. Je serai pas dans l'harmonie, on mène pas à la baguette. Gros volume, viens faire du tri dans ta playlist de girouettes. Gros volume, viens faire du tri dans ta playlist de girouettes. C'est quoi le délire? Playlist de girouettes, je suis fidèle à ce que j'écris. Reste loin de vos marionnettes, est-ce le trash qui m'a choisi? En ce cas-là, je suis son prophète. Se répète de saloperie et de phrase est un peu bête. La provoque, c'est toute ma vie, pas question de faire la diète. Même dans le noir, je voudrais qu'elle brille. Que mes rimes martèlent ta tête. Une envie d'anthologie, face à l'orgue, je range mon tête. Même dans le noir, je voudrais qu'elle brille. Que mes rimes martèlent ta tête. C'est Big B qui pousse un cri, qui vient fond, c'est mis en tête. Comme un chat, j'ai plusieurs filles, côté court et côté fenêtre. Comme un chat, j'ai plusieurs filles. Comme un chat, j'ai plusieurs filles, côté court et côté fait. Barre-toi, le cœur revolver, c'est quoi le délire? Barre-toi, le cœur revolver, c'est quoi le délire? Barre-toi, le cœur revolver, c'est quoi le délire? Barre-toi, le cœur revolver, c'est quoi le délire? Comment lire l'air, je veux fuir la vie et ses aigreurs. Tous ces donneurs de leçons sont-ils mieux que toi et moi? On s'en ira, t'inquiète pas, toi et moi. Je te le dis, je te le promets, c'est que des paroles, mais je pourrais te le signer. J'en ai toujours rêvé, m'évader de moi, je suis trop enfermé. Alors je m'évade et je sors encore et encore. Et je dors peu, pris d'insomnie. J'attends la paix, je manque d'accalmie. Les idées couleurs du ciel sombre qui m'éblouit. Je manque à mes amis, même présent j'ai l'air absent. Est-ce que je m'ennuie, est-ce que je subis, est-ce que je me dis que je suis maudit, j'ai rien à faire ici. Dans ma tête c'est le brouillard, dans mon cœur c'est le cafard. Voilà pourquoi je m'enfuis, je sors quand il est tard. Mon esprit arpente les trottoirs. Mais quand je suis heureux, surtout je suis vivant. Un monde qui gronde, j'entends les cœurs battant. J'ai toujours enfant, au moins dans ma tête. En apesanteur, je sens les corps qui lèvent. Attends, je ne t'ai pas expliqué. Attends, comment ne pas exploser. Attends, je ne t'ai pas expliqué. Attends, en fait c'est pas mal d'exploser. Quand le ciel s'éclaircit, quand ton regard brille. Quand je marche dans la ville avec une musique qui me suit. Je me dis qu'en vérité, non la vie n'a pas de prix. Qu'elle est sûrement bien trop courte pour colère et toute la nuit. Alors tu chantes sur le refrain, tu danseras jusqu'à demain. Dis-leur qu'on n'est pas différents, qu'on se tient tous la main. On rêve d'un bel avenir, on y croira jusqu'à la fin. J'arrête de déprimer, mais ça recommencera chaque matin. Quand je suis heureux, surtout je suis vivant. Un monde qui gronde, j'entends les cœurs battant. Au moins dans ma tête, en apesanteur, je sens les corps qui lèvent. Attends, je ne t'ai pas expliqué. Attends, comment ne pas exploser. Attends, je ne t'ai pas expliqué. Attends, en fait c'est pas mal d'exploser. J'avance doucement, doucement, doucement, doucement. Je rêve à ce constamment, constamment, constamment, constamment. Je m'envole, je m'envole aisément, aisément, aisément, aisément. Je m'endors, je m'endors rarement. Putain, je suis vivant. Pourtant, je suis heureux. Surtout, je suis vivant. Un monde qui gronde. J'entends les cœurs battant. Au moins dans ma tête, en apesanteur, je sens les corps qui lèvent. Et pourtant je suis heureux.